Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 10. Je vais procéder au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @proutonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @proutonmail.com. Vous pouvez nous faire des dons par crypto-monnaie pour nous soutenir financièrement, pour soutenir l'activité tout simplement, de ce qu'on fait, en trois monnaies, Bitcoin, Ethereum, Monero. Tout est expliqué sur le site, sur la partie droite du site. Vous pouvez voir comment procéder pour nous faire des dons en crypto-monnaie. C'est le seul moyen de paiement qui est à disposition des médias alternatifs, puisque nous sommes un média qui est exclusivement financé par ses auditeurs et ses lecteurs. Chaque semaine aussi, vous pouvez télécharger et partager le numéro hebdomadaire de Démocratie Participative version PDF, avec tous les articles parus la semaine. Vous pouvez ainsi les partager avec vos amis ou des connaissances par email. C'est un moyen commode, comme je l'ai souvent dit, de lutter contre la censure. Maintenant que j'ai procédé à ces rappels, je vais présenter nos participants de cette semaine. Astérix devrait nous rejoindre d'ici quelques temps durant l'émission, donc je ne vais pas le présenter. On a Hopman America qui est avec nous. Salut Hopman. Salut Rodolf, je vais très bien. Je souhaite un bon dimanche aux participants. Et quant à nos auditeurs, j'espère que vous êtes toujours de grands soutiens de l'équipe de Guingamp. En avant Guingamp, en avant les nègres. En avant les nègres. Évidemment. Pierrot nous fait le plaisir de rejoindre l'émission pour ce nouveau numéro. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut tout le monde. Fulbert, toujours fidèle au poste. Salut Fulb, comment vas-tu Fulbert? Oui, bonsoir Gandalf, bonsoir tout le monde. Tout va très bien à bord, merci. Formidable. Derek enfin est avec nous cette semaine. Salut Derek. Salut Gandalf, salut les gars, salut les auditeurs. Alors, je vous propose de passer sans transition aucune à la première rubrique courrier des lecteurs. Nous avons deux courriers cette semaine. Le premier qui nous vient d'Antoine, si ma mémoire ne flanche pas. Je vous le livre. Bonjour chers démocrates participatifs, si je vous écris, c'est pour vous faire part de mon début d'expérience chaotique à l'université. Alors oui, c'est vrai qu'on a des étudiants qui nous écrivent. Je me permets de le dire en aparté, vous avez noté que dans les courriers des lecteurs, ça revient de temps en temps. Et souvent, bon, bah c'est bien. Ouais, on a des jeunes et des jeunes qui souffrent en fait. Hein, parce que bon, l'université française aussi, ça change, ça évolue. Hein. Alors, chaotique, oui, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Moi, 18 ans, bac en poche, plein d'espoir pour l'avenir, car il en faut pour continuer à vivre dans cette république judéo-maçonnique pourrie jusqu'à la moelle. Je rentrais en septembre dernier en faculté de géographie, et ce, dans une grande université de Paris, réputée très prestigieuse. Cela, je veux bien le croire, mais dans ce cas, du temps de Louis XIV. Ce que je peux dire, c'est que cette université, dont, pour des raisons d'anonymat, je tairai le nom, est réputée traditionnellement de droite. Chose à mourir de rire, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, ou bien je n'écrirai pas ce courrier. Et comme vous allez le constater dès maintenant. Premier jour, à la fac, j'enfile mon sac à dos, je me prends mes écouteurs, avec Wagner dans les oreilles, évidemment, notamment la marche funèbre de Siegfried. Cela fait partie de la formation du national-socialiste. Puis m'en vais prendre le RER, et ensuite le métro. Je précise que l'itinéraire jusqu'à la fac nécessite un passage vers la gare du Nord, une grande joie pour moi, comme je vous laisse l'imaginer, le fait de prendre les transports en commun étant déjà assez épuisant. Je dois en plus me taper un chemin rempli de ces chères chances pour la France, dont la venue et l'entretien est payé grassement avec nos impôts. Merci Macron, merci les Juifs. Enfin, j'arrive au bâtiment de l'université où l'on enseigne ma licence. Première chose que je remarque, il y a de la diversité, beaucoup de diversité. En effet, c'est formidable et constatable au premier regard. Des Noirs, des Maghrébins, des voilés, en veux-tu en voilà. Et s'ajoutent à cela les Blancs, dont les tronches permettent de deviner immédiatement leur boboïtude, lesquels qui, sous une certaine inspiration colonialiste, sont probablement venus ici pour dicter aux racisés comment se comporter dans cet affreux monde de racistes et de mâles blancs, cisgenres, hétéros et oppresseurs. Il est notable que le personnel, notamment celui qui surveille l'entrée dans le bâtiment, est presque entièrement africain. De cette manière, on comprend exactement les aspirations humanistes de nos chers gauchistes. Plus de main-d'œuvre à bas prix. Plus de main-d'œuvre à bas prix. Cette idéologie est dégueulasse, aussi bien du point de vue nationaliste que véritablement humaniste, car en considérant véritablement les nègres et les membres d'autres races et ethnies sous-développées comme l'égal des blancs, eh bien, ils ne refileraient pas systématiquement à ces derniers la basse besogne. Bref, passons au contenu des enseignements. Tout simplement hilarant. Premier TD, travaux dirigés donc, de ma vie, le prof est une grosse quarantenaire, héritière de la pensée 68arde, qui dès le début du cours, à peine dès que nous sommes assis, nous assène qu'il faut toujours avoir une pensée critique vis-à-vis de ce que nous lisons, car le propos peut être idéologique. Elle prend pour exemple un effroyable livre, selon ses mots, qui oserait remettre en cause l'immigration et exposer ses dérives, le pire étant que ce bouquin était de Stephen Smith, un gauchiste ayant écrit des articles pour Libération. J'ai vraiment cru qu'elle allait nous faire une BHL en nous parlant du ventre fécond de la bête immonde. Évidemment, je me tais de peur d'être taxé facho d'office dès le début de l'année. Excellent réflexe. S'ensuit mon premier cours magistral en amphithéâtre donc, et toujours la même matière qui concerne la répartition des populations à travers le monde. Formidable, une introduction sur l'origine de la matière qui passe par l'anthropologie. En résumé, les inventeurs de l'anthropologie sont des vilains méchants blancs racistes qui ont placé l'homme blanc au pinacle de la hiérarchie des races, et ce, sans aucune objectivité. Dans ce même amphithéâtre, j'ai plus tard eu le droit à monts et merveilles de conneries, comme par exemple le fait que la France serait un des pays à accepter le moins de migrants. Notre doctorante émérite, on sait ce que ça vaut, compare avec la Bulgarie qui accepterait presque tous ses demandeurs d'asile. Évidemment, assez facile lorsqu'il y en a 3 ou 4. Elle dit aussi que notre pays est l'un de ceux qui en expulse le plus. Par contre, ce qu'elle ne précise pas, c'est qu'ils ne repartent jamais. Autre chose ahurissante, en TD toujours donc, lors d'un exercice, la prof avait glissé la question. Donc voici la question. Les principaux foyers de peuplement sont dus aux migrations ou à la natalité ? Quand vient l'heure de la correction, elle nous répond évidemment que c'est le résultat de migration et qu'il suffit de voir l'Amérique. Face à cette bêtise, un élève ne peut s'empêcher de prendre la parole, un nègre en plus. Il lui rétorque que c'est une situation unique et qu'il n'y a qu'à similaire nulle part ailleurs. Et la prof, désemparée et surtout surprise de voir une telle réponse dans la bouche d'un de ses chers racisés, ne sait alors quoi lui dire. Au final, elle se contente simplement de répondre en bégayant « Oui, c'est compliqué, on va dire que les deux sont vrais. » Ça, c'est intéressant comme concept, les deux vérités sont vraies. Bon, il y avait aussi une question concernant les pyramides des âges, et si je me souviens plus exactement de l'énoncé, ce dont je suis sûr, ce qu'on y désignait, des femmes de 4 ans, en opposition aux femmes de 40 ans, des femmes de 4 ans, oui, on pourrait se dire que cette formulation du démon n'est employée que par abus de langage et formalité, mais connaissant l'idéologie qui traîne dans ces milieux-là, je pense que ce n'est pas anodin. On devine aisément que Jack Lang et Cohn Bendit sont passés par là. Donc apparemment, on parle de femmes de 4 ans maintenant, officiellement. Je fais une pause peut-être là, avant de poursuivre. Premier jour, première sensation de notre cher camarade. C'est costaud, hein, pour un premier jour. Jour, oui, c'est vous, oui. Ouf, la prof en question, elle a l'air bien carabinée. Donc une prof qui veut, pour qui les nègres c'est bien. Et puis bon, le monde de toute manière est construit de migration, hein, parce que les foyers de peuplement. Parce qu'en Amérique c'est un pays d'immigration, donc voilà, tout est immigration. C'est très intéressant. Et quand elle se fait rembarrer par un nègre, tu es un nègre, tu as raison quand même si tu ne dis pas pareil que moi. Ouais, ça aurait été marrant de voir quelle aurait été sa réaction si c'était un blanc qui avait dit la même chose. Je pense pas qu'elle se serait permis de dire qu'il y avait que les deux assertions étaient vraies. Très certainement. Certainement. Alors, j'invite notre jeune étudiant à vérifier le nom de cette prof quarantenaire en surpoids. Ça pourrait finir en berg, hein. C'est pas totalement. Hein. Moi, je Stein. Propose quand même qu'on. Stein, berg, en tout cas, il faut vérifier. Bon, c'est voilà, docteur hein, d'une université prestigieuse de géographie. Bon. La France. Personne d'autre là-dessus, je poursuis ? D'accord. Si ce que je viens de vous raconter peut paraître incroyable, quoique pas vraiment aujourd'hui en 2019, sachez que le pire reste à venir. Étant en géographie, discipline classée parmi les sciences humaines, il était inévitable qu'il y ait un cours de sociologie. Ici, le drame arriva. Moi, intéressé par ce genre de domaine, quand il s'agit de la vraie sociologie et non pas de cette immonde libérale moderniste et fausse enseignée aujourd'hui, je me dis que cela ne peut pas être si terrible, que l'autre cours était une exception. Que nenni. Ah, moi, jeune homme blanc, vierge et pur, aussi bien proprement que figurément pour l'idéologie social-démocrate, et curieux adorateur des arts et disciplines intellectuelles, que j'étais naïf. En effet, je ne savais pas à quoi j'allais assister, quel genre d'insulte à l'intellect je devrais subir. Des millions d'années d'évolution pour en arriver là. Commençons par le cours magistral. Le professeur, une femme encore, est une grosse immonde italienne coiffée d'une perruque. Ah là, je découvre un truc, là. Son enseignement est un condensé de toute la pensée des social justice warriors, donc les gauchistes, quoi, si vous voulez, sortis des usines d'Israël, du féminisme, du spécisme, ou de l'antispécisme, plus exactement, en passant par la théorie du genre. Il y a absolument tout. C'est incroyable. Une folle payée pour faire de la propagande pour son idéologie malade, et avec nos impôts, toujours. Le pire étant qu'elle est chercheur au CNRS. Son cas clinique est avéré, des élèves, après quelques recherches, ont trouvé une vidéo d'elle disponible en libre accès sur Internet, où cette dernière, progressivement, se déshabille entièrement lors d'une conférence, souvenement inclus, quel cauchemar. Je vous mets ici le lien vers la vidéo et aussi un article où, effectivement, il y a le document est lié, c'est un fait. Bon, ouais, c'est... Oh la vache, putain, ouais, c'est terrible. Quant aux travaux... Oui, quant au TD, donc... Travaux dirigés, c'est son assistante qui le gère. Même saloperie que donc le cours magistral, à la différence que le contenu est inexistant. À part une étude d'un texte gauchiste dont l'assistante disait que l'auteur était méprisant envers les prolos, car écrivant dans un style particulier, car dans la tête de cette conne, prolo égale con qui ne sait pas lire, le mépris de classe déguisé des gauchistes, le cours se résume en un concours de victimisation entre les nègres, les maghrébins mahométans et autres joyeux représentants de la diversité. Je cite... « Oui, moi je suis le plus malheureux et pas toi. Heureusement, il n'y avait pas l'appel, je me suis barré au bout de 2 semaines, ce qui d'ailleurs ne m'a pas empêché de décrocher un 19 au partiel. » À force d'entendre ce genre de taré dans les médias et sur Internet, on finit par savoir ce qu'il faut leur dire pour qu'ils soient contents. Effectivement. Désormais, je vais parler des élèves. Point sur lequel je dois avouer avoir été agréablement surpris. En effet, il n'y avait pas que des gauchistes à la fac, et j'ai rencontré pas mal de personnes exaspérées par la qualité de l'enseignement dans certaines matières, souvent les étudiants étrangers européens, chose peu étonnante. Mais puisque l'homme est attiré par ce qui est néfaste, et car parler de ce qui va bien est redondant et peu intéressant, je vais surtout m'attarder sur ce qui m'a marqué au plus haut point. Un jour, alors que j'étais assis seul à un rang, une fille s'est mise à côté de moi. On s'est mis à discuter... Puis, je ne sais plus pourquoi, elle finit par me parler du fait que lorsqu'elle était au collège et au lycée, il n'y avait aucun blanc et que des nègres qui passaient leur temps à l'emmerder. Victoire, me dis-je, une fille qui ne succombe pas à l'émotion et par conséquent non gauchiste. Puis, lorsque la discussion continua, que me révéla-t-elle ? Qu'elle était juive ! Non, ce n'est pas une blague à se demander si elle n'était pas envoyée par le Mossad pour tester la bien-pensance des goïms à la fac. Mais elle me dit aussi qu'elle ne pratiquait pas, évidemment. Quelques jours plus tard, on se revoit, on parle, et la discussion déboule sur les migrants. Que dit-elle à ce sujet ? Que ce sont de pauvres gens qui ont besoin d'aide et qui fuient la guerre. Je lui rétorque que la majorité ne vient que pour des raisons économiques, et que de toute façon, il y a déjà trop de SDF français dans les rues pour qu'on puisse les aider. De toute façon, on n'a pas à le faire. Que répond-elle ? Que les SDF ne font pas d'efforts pour sortir de leur galère. Franchement, je ne sais pas quoi penser de tout cela. Qu'est-ce qui fait qu'elle ait pu sortir un truc pareil ? La bêtise féminine, la schizophrénie gauchiste ou bien le sang du peuple élu ? Inutile de préciser que depuis, on ne s'est plus jamais parlé. La chutzpa a été poussée un petit peu trop loin. Et outre cet épisode surprenant, il y a aussi les blocages de la fac, qui se résument en fait à 3 célestins antifa de 60 kilos se mettant devant les escaliers pour empêcher d'accéder aux salles. Personnellement, j'appellerais plutôt ça la flemme d'enseigner, car quiconque le souhaite dégage ses déchets. pas mal comme technique pour faire grève tout en étant payé. Et que dire des assemblées générales où un affreux crasseux redoublant zadiste de 25 ans ose prendre la parole pour faire des monologues où il apprend aux Français qu'ils doivent payer les études de la crasse africaine. Car oui, dans toutes les facs se trouve ce genre de parasite qui, à l'heure où les gilets jaunes sont dans la rue pour se plaindre des conséquences du mondialisme, sans en comprendre les causes, ose dicter au peuple où son argent est censé aller. À quel moment ce genre d'abruti, con, inculte, médiocre et illettré, moi-même écrivant comme une merde, je suis Proust à côté, pense-t-il être pertinent? Ça me dépasse. Je fais peut-être une pause, là. C'est... Vous remarquerez que le dénominateur commun, bon, bien sûr, c'est le gauchisme, mais les interlocuteurs sont des interlocutrices, d'ailleurs, en question. Hein. C'est à noter. Ouais. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, hein. On le sent. Oui, alors en ce moment là, ça fait plusieurs mois là qu'il y a de l'agitation gauchiste en faveur donc du. On en a parlé dans une émission précédente, oui. Hein, cher Derek. Plusieurs fois. Oui, pour les histoires. Bah oui, il y a eu le héros à Rennes qui est le professeur qui a viré un nègre bavard à lunettes qui voulait parler pour que les blancs payent, hein, pour faire venir des nègres dans ces amphithéâtres. On avait parlé d'une étudiante, je crois, oui. d'une fac, alors qui souffrait et qui nous avait parlé de cette histoire-là. Envahissement d'amphithéâtres par des antifas et des nègres pour réclamer des sous. Des sous. Il faut payer la scolarité des nègres. Et je crois qu'on a vu un ou deux autres encore. Enfin, ça revient, apparemment, c'est national comme truc, hein. C'est-à-dire que les crasseux se sont donné le mot pour faire... Déjà, putain, la gueule des études, quoi. C'est vrai que comment dire... Putain, tu vas à des cours comme moi, ça m'est arrivé un petit peu, moi aussi, sur la fin. J'étais un petit peu mal, quoi, quand j'avais ce genre de cours. Je me retenais, j'écoutais plus. C'est-à-dire que si j'écoutais, ça me faisait monter la tension de manière trop importante. Oui. Et je faisais de la méditation, de la méditation pour me calmer. Nous sommes bouddhistes. Nous sommes le premier site bouddhiste de France. Oui, les gens ne savent pas. Ça témoigne hein, de bah là je crois que les gens quand même parce que c'est bien, ça vient de plusieurs facultés, donc c'est aussi l'intérêt. Là les gens quand même, enfin nos auditeurs peuvent mesurer ce qui est un peu en train de se passer. Je sais qu'ils le savent, hein. Bon, ils sont pas idiots, ils lisent la presse, ils y sont allés eux-mêmes, ils ont des échos par des membres de leur famille. Mais c'est bien d'avoir ces témoignages, et bon, le constat est clair, hein, peu importe la matière, la discipline, la ville, voilà, c'est récurrent, hein, c'est la déchéance complète de l'université française, sous le double coup en fait de la tiers-mondisation raciale de la population qui s'y rue, hein, parce qu'en fait ce sont des faux étudiants, c'est un sas d'immigration clandestine en fait qui est chapeauté par l'éducation nationale avec de la corruption. Hein. Alexis, vous avez parlé d'un scandale dans le sud de la France comme ça où il y avait de faux étudiants chinois qui utilisaient je crois que c'était à Montpellier qu'il avait parlé. Il y a eu aussi ça à Toulon où c'était carrément énorme le truc. Oui. Bon, avec un arabe qui gérait l'université qui était là en prison et tout. C'est étonnant. Oui, c'est une histoire assez rocambolesque. Voilà. Donc double coup. Donc tiers-mondisation raciale et gauchisme. Gauchisme, féminisme, hein, ça sent les femmes. Quoi, beaucoup. Ouais. Des espèces de lesbiennes, la prof qui se fout à poil pendant une conférence. Hein, voilà, ouais. C'est normal, c'est vrai. Bon, alors, voilà. Je me pose la question, quand tu sors de ces écoles-là, quel débouché as-tu et dans les postes que tu occupes, qu'est-ce que tu fais, quoi. Je sais pas du tout. En géographie, il peut y avoir quand même plusieurs débouchés, ça dépendra après de la spécialisation. Ouais, mais bon. Oui, Géo, tu peux finir... Tu peux finir à bosser dans tout ce qui est territoire, donc pour les collectivités, il y a beaucoup de débouchés en géographie en fait, beaucoup plus qu'en histoire ou dans d'autres disciplines du même genre. D'accord. Je pense aussi que ce que tu peux faire dans ce genre de discipline, alors particulière comme la géographie, comme a dit Captain, c'est que en plus, tu peux envisager en fait de bifurquer vers une université étrangère en fait. Donc. Ouais. C'est il faudrait quand même savoir si, enfin je sais pas comment ça se passe, là, il faudrait qu'on ait des retours d'étudiants qui sont en rapport avec des étudiants étrangers qui viennent en Erasmus ou qui eux-mêmes ont fait de l'Erasmus, pour savoir si c'est pareil dans les autres pays occidentaux. Enfin, pareil, moins ou pire. Ça serait bien d'avoir un retour là-dessus. Donc, je lance un appel. Là, s'il y a quelqu'un qui pourrait nous éclairer là-dessus, ça serait intéressant. Ouais, ça serait intéressant. Vous remarquez dans le récit de cet auditeur, les personnes qui osent protester, bon, bah, les blancs, ils ont peur de protester, hein, parce que ce sont des méchants gars, il faut qu'ils se taisent. Mais ceux qui osent protester, du coup, bah, ce sont les nègres, hein, en question. Ou alors les autres étudiants blancs, mais qui appartiennent pas, qui sont pas français, en fait. Parce que du coup, ils ont un peu, genre, des valeurs un peu traditionnelles qui sont restées, et même eux sont un peu choqués de la merde intellectuelle qu'on nous propose, quoi. Bah on Derek a sollicité, donc on en saura plus, on aura des échos de tout ça, on verra bien. Alors je poursuis le courrier, il va finir, hein, il est juste là, c'est la fin. Malgré toutes ces horreurs, je garde la foi, et comme dit au début du courrier, l'espoir. Je compte bien décrocher ma licence, puis continuer mes études, et à terme utiliser mes compétences pour contribuer à la contre-propagande, luttant contre l'influence judéo-maçonnique. Notre camp vaincra, nous nous débarrasserons de l'engeance républicaine et la nation brillera à nouveau de mille feux. Un jour, les facultés seront débarrassées des gauchistes et elles n'enseigneront plus la haine de soi, elles n'incarneront plus la médiocrité, mais l'élite de la nation. Sur ce, au revoir, camarade. Oui. Antoine, merci Antoine. Oui, oui, bah oui, c'est ce qu'on prône, oui. Il faut que ça brille de mille feux, mais pour que ça brille de mille feux, il faut qu'il y ait du feu. Hein. Non, c'est vrai qu'au lieu d'enseigner la haine de soi, moi je suis plus pour qu'on enseigne la haine des juifs. C'est... Ah oui, ah oui. Ouais, ouais, ouais. Obligatoire. Ouais, il faut des matières intéressantes. Il faut des matières obligatoires dès la maternelle pour enseigner la haine du juif. Quoi. C'est indispensable. Il y a un rattrapage énorme à faire. Exactement, ouais, c'est tout à fait juste. On va des cadres qui soient formés spécifiquement à la question juive. Hein. C'est-à-dire que avec les matins, tu aurais l'hymne national, puis après, tu aurais des méditations sur des têtes de juifs. Et normalement, ça rend les gens assez antisémites. Hein. Oh, bon, il y aura des choses à faire. Hein. Là, on a quelques spécialités. Oh là là, oui, nous avons des idées. Ouais, des idées, oui. On va demander à Hervé Rissen de bûcher un peu le sujet. Je suis sûr qu'il a des pistes. Oh oui. Il a des pistes. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? D'accord. Non, parce que c'est bon. Oui. Oui, juste un petit mot quand même. Sur le... La nana sur qui il tombe, qui se plaigne des Noirs, bon, qui est une juive pour le coup. Mais bon, dès qu'on lui parle des migrants, c'est-à-dire de la logique d'envahissement, là de suite, bon, le réflexe de survie du juif, tu vois, qui veut, bon, même si les Noirs me font chier, il faut quand même que je vive dans un pays qui soit un fouton racial pour qu'on me voit pas trop. Tu vois, c'est plus fort qu'eux. Hein. Il y a des constantes. Voilà. Hein, mais c'est peut-être fait par bienveillance après tout, on sait pas. Oui, par altruisme. Altruisme intéressé, ouais. C'est ça, voilà. Deuxième courrier, chers amis. On remercie en tout cas Antoine pour ce courrier très intéressant. On passe au deuxième courrier, et là c'est Baudelaire, de son surnom, de son nom de plume, qui nous écrit. Alors, il intitule d'ailleurs son courrier « Mère d'ébène ». Mer, hein, ah. Comme la mer, l'océan, hein, pas mer. On va rester dans le temps, je crois. Oui, enfin, on va aller vers l'Afrique aussi, là. On y était déjà, mais là, bon, à deux pieds dedans, à deux pieds joints. La scène se passe dans un café littéraire très chic du sud-ouest de la France. Les prix sont bien plus hauts que la moyenne du quartier. L'environnement est agréable, les fauteuils sont tous des objets de collection, des pièces uniques, recouverts de velours pour la plupart. Ce détail compte, souligne notre auditeur. Alors que je suis assis avec mes amis, je vois rentrer trois éducateurs blancs, 30-45 ans, et trois nègres, visiblement mineurs, avec un comportement balai-couille de semi-racaille. Ces trois marxistes sont bien décidés à transformer leurs nègres en hommes du monde. Ils s'assoient tous les six dans des fauteuils individuels à une table ronde et se font servir un thé dans un service en porcelaine, accompagné de petits gâteaux faits maison. Les nègres, de toute évidence, des migrants fraîchement débarqués, sont littéralement avachis dans leurs fauteuils. Leur tête arrive sous la moitié du dossier tellement ils sont enfoncés. Seuls leurs cheveux, donc mousse de tête, hein, dépassent, quant aux bras, ils retombent de chaque côté. En face, leur dresseur, l'un d'eux attrape les fleurs du mal et lit à voix haute cet extrait. J'irai là-bas où l'arbre et l'homme, plein de sève, se pâment longuement sous l'ardeur des climats. Forte tresse, soyez la houle qui m'enlève, tu contiens, mère d'ébène, un éblouissant rêve. Il ferme le livre et interroge un des nègres, Tous ont l'air dans le gaz, ils sont parfaitement immobiles depuis leur arrivée, enfoncés dans leur fauteuil, l'air perdu. Alors Mamadou, tu en as pensé quoi, le nègre éducateur. Alors là, il y a un dialogue. Forte 13, soyez la houle qui m'enlève. Qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Alors l'éducateur poursuit. Les garçons, vous savez ce que c'est la houle quand même? C'est le remous des vagues. Ouais, tu me prends la tête avec tes vagues, dit l'un d'eux, c'est quoi le remous là? Bon, hilarité générale, ça grogne, ça bouge, ça gigote dans tous les sens. Pour les faire raccrocher, une éducatrice leur montre comment on sert le thé et leur fait l'historique du thé à travers les âges. La lecture reprend pendant 5 bonnes minutes. Les pauvres nègres sont totalement assommés, la bouche ouverte, lèvres pendues, regard dans le vide. Mamadou, pendant la lecture, colle ses deux grosses babines sur l'accoutoir du siège, en tissu pendant de longues minutes, personne ne le reprend. Il bave, il mord, il sent, il goûte cette étrange branche couverte de tissu sur laquelle il est assis pour vérifier qu'elle est inoffensive. Putain, c'est bon. Voyant qu'il a l'air, il a perdu son public, le lecteur lui explique qu'avoir une éducation est important et permet de vivre en société, alors que les nègres sont toujours en état de mort cérébrale. Ça veut dire qu'ils réagissent toujours pas, quoi. Mamalouk, c'est quoi le mot le plus dur que tu connaisses? Bah, je sais pas. Ousmane, tu aimes le thé noir? Tu arrives à apprécier? Ouais. Ousmane, ouais. Qu'est-ce que tu sens comme goût? Ça a le goût de l'eau. Les nègres ricanent depuis le début, ils se foutent ostensiblement de la serveuse, de ce qu'on leur sert gratuitement, ou même de leur propre éducateur. Les trois nègres mâchent leur gâteau, la gueule ouverte, des miettes s'échappent et roulent dans les plis du siège. L'un d'eux met ses pieds sur le siège pendant quelques instants. Une éducatrice prend alors la parole. Vous savez les garçons, l'autre jour au centre, un jeune comme vous a voulu draguer une fille, il manquait de culture, il parlait mal français. S'il avait connu un poème, il aurait pu le raconter à la fille et sortir avec. Pour attraper les filles, il faut raconter des jolies choses aux filles, il faut connaître les grands auteurs. Les autres éducateurs approuvent leurs collègues. Oui, c'est vrai, elle a raison, écoutez bien les garçons, vous devez savoir aborder les filles, quoi. Et là, réveil instantané des chimpanzés, ça remue, ça crie, ça rigole, ils touchent leurs bites, enfin bon, hein, ils commencent à faire des gestes obscènes, se bousculent, poussent des cris. Ça y est, les singes sont désormais au rendez-vous. Dressé, présent, éveillé, on a parlé de cul. Leurs éducateurs sont visiblement ravis d'avoir pu éveiller ces jeunes à la littérature française après leur lecture dominicale. Les nouveaux Montaigne sont accompagnés dans leur centre, encadrés de leurs éducateurs qui paient pour eux la consommation. Les consommations. Sale nègre, Baudelaire. Donc ça, c'est son nom. J'en profite pour vous dire, tout ce que vous dites à démocratie participative est vrai. Tout se vérifie dans notre quotidien, à nous les auditeurs. Il y a également des choses très positives à souligner également dans nos quotidiens respectifs. Il est important de développer l'espérance dans notre camp, de diffuser les informations positives, mais cet épisode souligne l'obstination fanatique des marxistes et leur manière de procéder pour tenter de maquiller un nègre en gentleman raffiné, le tout à nos frais. Les nègres savants qu'on découvre parfois sont des produits de ce genre d'éducateurs. Alors merci à Baudelaire. Waouh. Je crois que c'est le courrier qui m'a fait le plus rire depuis qu'on a commencé, quoi. Ouf. Disons que voilà, si on met une cravate à un singe, bon bah ça reste un primate, quoi. Voilà. Ça c'est prouvé. Non mais c'est pas ça, c'est pas la cravate. Quand on parle de cul, en fait, c'est quand on parle de ouais, cul. Le nègre il était là, il bouffe des trucs, il bouffe le fauteuil, putain. Il bouffe le fauteuil en velours et tu lui parles de ouais, il faut pécho des nanas. Il se met à sauter partout et à se tirer sur la nouille, quoi. Putain, mais. Oh, au secours, quoi. Disons que ça fait écho à l'article qu'on a posté sur DP avec le nègre qui envoie un courrier des lecteurs. Et qu'est-ce qu'il dit? Buana, on va baiser tes filles et on va te faire disparaître. En gros, le cul. Et quiconque connaît les nègres sait très bien que ces mecs-là ne pensent qu'avec leur bite et qu'avoir leur civilisation, excusez-moi du terme. Mais, Oui, c'est. Voilà, d'accord. Mais le truc, c'est que, c'est ça qui m'emmerde, c'est-à-dire que les blancs, tous les blancs, on a tous envie de sexe, on a tous ça, en fait, qui est inscrit dans l'humanité en global, de baiser pour se reproduire, transmettre les gènes et tout. Mais vraiment, la différence, c'est que nous, on a été capables d'outrepasser cette condition-là et de contrôler notre énergie sexuelle pour créer une civilisation capable, d'essaimer à travers le monde entier et puis d'inventer des progrès technologiques incroyables, quoi. Et c'est pas fini. Et vraiment, outre le caractère disgracieux, très souvent des nègres, leur odeur pestilentielle, ce genre de choses. Ce que je trouve excessivement désagréable avec ces gens-là, c'est que ils vont nous ramener, si on ne fait rien, ils vont nous ramener. La bite du nègre égale l'âge de pierre. Oui, c'est le projet. Mais alors bon, il faut quand même noter, enfin bon, il y a quand même des blancs, tu vois, qui vont aller chercher des nègres pour les torturer. Il torture vraiment le nègre. Tu parles à un nègre de la houle, putain. C'est un effort surhumain pour lui, tu sais. C'est même pas ça. J'ai pas l'intérêt de vouloir. C'est du dressage, mais c'est aussi cruel que du dressage imposé à un animal qui veut pas, quoi. Je veux dire, c'est. Le nègre, il est le nègre, quoi. Je veux dire, en fait, c'est nous qui leur faisons du mal. Bah oui. Si on laisse le nègre à l'état naturel, avec ses femelles, etc., machin, ça va s'auto-réguler, il va faire son truc. Alors, et par contre, ils vont peut-être se démultiplier à l'infini, oui, si on leur donne des vaccins ou des trucs comme ça. Il faut éviter de tourmenter aussi le nègre avec la médecine, quoi, c'est bon. Voilà, oui. De toute façon, c'est simple, hein. Tout contact avec le blanc arrive à la souffrance du nègre. C'est vrai, c'est-à-dire... Nous, la démocratie participative, nous sommes les seuls... Oui. À nous soucier des nègres. Qui voulons le bien objectif du nègre. On a de la compassion pour les animaux. Voilà, donc c'est-à-dire que nous, on n'est pas partisans d'aller faire des. Les soigner, leur faire des piques. Mais non, ils se régulent tout seuls, c'est très bien, la nature est bien faite. Voilà, il y a une épidémie, il y en a chez une guerre, un roi nègre qui décidait qu'il fallait tuer tous ses cousins. Non, écoutez, voilà, l'Afrique. Dieu s'exprime. L'Afrique, il y a 150 ans, c'était un continent vide. L'homme blanc arrive, hein, avec les bonnes sœurs et tout ça. Maintenant, des nègres, on va en avoir 4 milliards. Mais non, c'est pas possible. Donc, il faut quand même faire un travail sur nous-mêmes, je veux dire. Et notamment sur cette espèce de pathologie-là, de l'altruisme, systématique. Hein, ce besoin de vouloir sauver les nègres. Non, ils sont très bien, il faut arrêter de les torturer. C'est peut-être là, d'ailleurs, qu'il faudrait adapter notre discours, hein, avoir un ethno-différentialisme radical. Mais non pas pour le dire aux nègres, parce que ils ne demandent rien. Par rapport aux blancs. Mais aux blancs, par rapport aux blancs, de leur dire laissez ces gens dans leur culture, arrêtez de vouloir leur imposer votre marque. Voilà. Moi, ça vaut pour d'ailleurs, quoi, hein. cette façon-là d'avancer nos arguments, elle trouve généralement audience dans les publics de gauche. J'ai déjà, moi, testé personnellement, et c'est vrai que quand tu parles des gauchistes, tu leur dis, mais écoute, ils sont pas comme nous, ils ont leur propre... Enfin, s'ils sont pas comme nous, non. Mais si tu leur dis, écoute, quand même, tout ce que vous faites, ou tout ce qu'a fait l'Europe actuellement, c'est très ethnocentré, ces gens-là, ils ont leur propre culture, c'est leur imposer un modèle européen, il faut les laisser être ce qu'ils doivent être par eux-mêmes, et leur laisser le choix, machin. Et là, tu trouves une audience. L'autodétermination du nègre. Oui, j'aurais dit l'autorégulation, oui. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Astérix, qui fait sa première intervention dans l'émission, veut nous dire quelque chose. Ouais, moi, je voulais réagir par rapport à tout ce que vous dites. Rien que ce terme de nègre, en fait, pourquoi on l'emploie? Parce que le nègre, ça n'est rien de plus que le noir qui a subi toutes ces catastrophes que sont les vaccins blancs, que sont les écoles blanches, que sont toutes ces choses qui le qui le détournent de sa nature de nègre. Mais il faut savoir une chose, comme le disait Hoffman, moi par exemple, mon discours avec les gauchistes, comme le discours d'Hoffman, passe très bien parce que je prône la différence, en fait, je vends la différence. Et une fois qu'on vend la différence, là, nous, on parle pour les nôtres, on parle entre nous, donc on se moque des nègres pour tout leur côté nègre, quoi, pour toutes les nègreries qu'ils nous font au quotidien, on se fout de leur gueule. Mais la réalité, c'est que moi, le noir, réellement noir, moi, il suscite ma curiosité. Un documentaire sur une tribu primitive noire à 2h du matin, je suis capable de ne pas fermer l'œil et de la regarder. En revanche, le pauvre nègre qui a appris le français avec Marc Georges, qui avec la République, qui nous met ses lunettes, qui se met à nous donner des leçons d'humanisme ou quoi, ce nègre-là, on l'appellera nègre jusqu'à ce qu'on nous tue pour l'appeler nègre. Mais il faut bien comprendre qu'on ne l'appellera jamais autre chose qu'un nègre parce que c'est un nègre. Cet homme n'est plus un noir. Il ne mérite plus d'être appelé noir au nom de tous les noirs primitifs qui sont restés des vrais noirs et qui, eux, on peut les détester. Moi, j'ai rien contre les négrophobes qui ressentent un profond. Moi, quand je vois les nègres à plateau, j'ai envie de vomir, quoi. Quand je vois les étuipéniens, ça me donne envie de gerber. Mais par contre, il y a certaines tribus noires, comme je le disais, qui suscitent ma curiosité, comme certaines tribus primitives d'Amérique du Sud. Donc, en réalité, on nous traite de racisme, de racistes, alors qu'on est évidemment les seuls qui aimons la différence. Et c'est, cette émission, parfois, peut peut-être faire croire le contraire, mais ne vous y trompez. Ici, vous avez que des gens qui sont très, très, très curieux du monde, très curieux de l'humain, qui ont même le goût de l'autre. Simplement, ils n'ont pas le goût de l'autre chez eux, qui vient violer leur femme, qui vient s'installer chez eux. Non, on a le goût de l'autre comme des hommes intelligents qui comprennent que la nature a été faite à des règles établies qu'on ne peut pas discuter, quoi. Il y a des règles préétablies, des choses qui ont été établies avant l'homme et que l'homme ne peut pas remettre en cause parce qu'il l'a décidé, quoi. Qui d'autre? Moi, je voudrais dire que c'est dangereux quand même de vouloir éduquer les nègres. Bon, sauf si c'est pour les... Ah oui. On va faire des animaux de cirque, ça c'est bien. Mais si on les éduque trop, après ils vont faire concurrence aux Afghans qui connaissent Victor Hugo par cœur. Donc voilà, ce serait dommage. Ah oui, c'était ces Afghans qui récitaient Victor Hugo en farsi, donc en perse. Là. Dixit, Yann Moix. Oui. Il y a aussi, bon, j'aime bien le rappeler à chaque fois, mais tout ceci, c'est effectivement une perte d'énergie, mais aussi une perte de pognon, parce que c'est l'espèce de conte de blanc là qui lise des poèmes aux nègres. Donc il les torture aussi, oui. Oui, qui torture les nègres. Qui les torture à coups de poèmes, oui. Voilà. À coups de poèmes et de thé dans des services en porcelaine. Tout ceci est payé... C'est délirant. C'est délirant. Faudrait vérifier sur le bon coin s'il n'y a pas un service en porcelaine qui est mis en vente. Tu vois, ils ont gaulé genre 2-3 tasses. Oui, c'est fou. Le service en porcelaine est une arme blanche pour torturer les nègres. Il faut interdire la vente de ça tout de suite, quoi. Il faut arrêter, quoi. Pour le bien de l'humanité tout entière. Non, blague à part, donc, tout ça coûte du pognon, parce que, bien entendu, c'est des machins, soit directement des services de l'État, soit plus certainement d'associations qui fonctionnent comme des entreprises de BTP, c'est-à-dire qu'elles cherchent... Il y a des appels d'offres de l'État, et des marchés publics où on s'entend, et on se gave de pognon... Et voilà, on va promener nos nègres par-ci par-là, et puis c'est très bien. Ouais. Ils bavent partout. Enfin, il y a encore du pognon en France, quoi. Il y a quand même du pognon pour qu'on en jette partout à tout va, quoi. C'est ça. C'est beau, hein, l'État socialiste français. Les gilets jaunes, là. Qui... Ouais. Hein, au lieu de. Moi, j'ai vu. Au lieu de soutenir des bougnoules qui se font écraser, là, par des bus. On va en parler. Je sais pas, hein, ça serait peut-être bien de s'occuper de ces trucs-là. Des vrais sujets. Ouais, des sujets qui coûtent du fric, tu vois. Mais bon, peut-être que les gilets jaunes qui payent des impôts sont repartis chez eux. Maintenant, c'est ceux qui veulent des trucs... ils veulent des gratuit. Trucs, ouais, des trucs de l'argent gratuit, quoi. Ouais, je pense qu'ils seraient très demandeurs de faire des cours de littérature payés par le contribuable pour certains d'entre eux. Comme en Chine communiste, ouais, bon, c'est Mao, c'est le maoïsme. Maoïsme pratique, en 2019, c'est très bien. Ah là là, rubrique numéro 2, les amis, autisme radical. Bon, c'était bien autistique, hein, quand même, là, faut bien le souligner. Bon, oui. Excusez-moi. Merci Baudelaire. Si vous avez d'autres sujets comme ça, terrible. Avant que j'oublie, quand même, nous connaissions Astérix, expert S boucacologie. Nous avons découvert aujourd'hui Astérix, expert S négrologie. J'ai nié. Astérix, c'est le négrologue de l'émission. Hein, oui, mais alors là, il y a quelque chose. On sent qu'il y a un diplôme qui est en train d'être passé. Un peu plus Astérix nous faisait l'éloge dithyrambique du nègre primordial au fin fond de sa savane, quoi. Ah, belle thématique, ça, le nègre. Il y a un truc à creuser, Disons que plus le nègre est loin de moi, plus je l'aime, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour beaucoup d'êtres humains, quoi. Mais alors, sauf s'il a un plateau, quand même. Bon, le plateau, là, quand même... Bah, le nègre à plateau, oui. Ça, c'est... Mais en même temps, c'est ce qui montre que le nègre n'est pas un animal. C'est ça qui est bizarre, c'est que la seule manière dont le nègre se soit distingué de l'animal, c'est en se foutant un putain de plateau entre les dans les valises. Et c'est la seule chose qui nous prouve que ça n'est pas un animal. Très juste, très juste. Alors, rubrique numéro 2, autisme radical, je vous propose de passer à Avignon, ville sous occupation, mahométane aussi, hein, maintenant, depuis un bon moment, et juive aussi, une fois l'année, l'été, lors du festival d'Avignon. Hein. Mais le reste de l'année, donc c'est, ouais, voilà, c'est séparé, c'est, voilà, quelques jours dans l'année c'est juif, le reste c'est arabe, voilà. Bon. Alors, inquiet, c'est la presse, hein, je cite l'article d'ailleurs, je vous donne la source, oui, c'est la Provence. Le journal de la Provence qui cite. Le journal de inquiet. Inquiet pour sa sœur, il menace de mort le directeur adjoint du collège. Donc imaginez-vous, hein, la brave dame qui ouvre son journal, la Provence, elle regarde le titre, elle dit inquiet pour sa sœur, il menace de mort le directeur du collège. Bon, ça part mal pour le bonhomme qui s'en est rendu coupable. Vous allez voir que c'est plus compliqué que ça. Effondré dans le box du tribunal correctionnel d'Avignon, où il comparaissait hier dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, Thomas, 24 ans, assure qu'il a agi sans réfléchir dans un souci de protéger sa petite sœur de 12 ans. Depuis ma sortie de détention, il y a 2 mois, je vois ma sœur mal dans sa peau, elle se scarifie et vomit, explique le prévenu, jugé pour menace de mort à l'encontre d'un chargé de mission publique. Jeudi, quand il a vu sur l'ordinateur familial qu'une collégienne âgée de 14 ans aurait envoyé à sa sœur des liens vers des sites pornographiques, Thomas explique que son sang n'a fait qu'un tour. Il en a parlé à sa mère et ils se sont rendus au collège pour régler son compte à cette copine. En vérité, je voulais pas la frapper, assure le prévenu qui reproche aussi à cet adolescent d'avoir proposé, je cite encore, à une amie lesbienne de 19 ans de sortir en ville avec ma sœur. Le ton est monté, la collégienne a eu très peur et l'altercation a nécessité l'intervention des surveillants et du directeur adjoint qui a été menacé de mort. C'est sorti tout seul. Cette phrase ne le visait pas, j'ai menacé personne, c'était pour faire un électrochoc et qu'il s'occupe de ma sœur qui va pas bien, on dirait qu'elle est en dépression et ça me fait trop de peine. Après délibéré, le tribunal condamne Thomas, assisté de Maître l'Inconnu, à la peine de 8 mois de prison, hein, donc 4 fermes, et mise à l'épreuve avec interdiction de paraître au collège et de contacter le personnel de l'établissement. Voilà. Je m'abstiens de réaction et je vais tout de suite donner la parole, je crois, à Derek qui voulait réagir là-dessus, hein, il m'en a fait part, et peut-être à d'autres intervenants. Oui, enfin, je voulais qu'on en parle, en tout cas, de cette affaire-là. Ça fait assez ton sur ton, ce qu'on a dit tout à l'heure, et moi, même mon expérience, bon, j'en ai parlé tout à l'heure par rapport au prof qui raconte des conneries, c'est le coup de garder son calme, quoi, dans des situations comme ça. Parce que là, le pauvre gamin, il lui est tombé là, tout, hein, c'est-à-dire qu'il a la saloperie du monde extérieur, du féminisme, alors l'espèce de petite pute qui envoie du porno à sa sœur de 12 ans et qui veut la vendre à une lesbienne, au secours, quoi. C'est ça, ouais. Donc ça, tu vas voir, donc tu te prends cette merde en pleine gueule, tu vas voir ce qui est censé représenter l'autorité au niveau de l'école, ça bouge pas, ça bouge pas, donc tu t'énerves, et bam, 8 mois de prison, donc 8 mois de prison, quoi. 8 mois de prison ferme. Donc, il va me faire au moins la moitié. Oui, 4 avec sursis. Donc, ça. Bah, il va aller en tôle, quoi. Hein. Enfin, à moins qu'il. Oui, bon, il faudra voir avec le juge d'application des peines. Il y aura, je pense, du sursis. Un bracelet électronique, pardon. Mais, punaise, casier judiciaire, tout. Enfin, on en a vu qu'on était condamné à moins que ça. Pour bien plus grave, mais le fait de s'attaquer, je pense, il y a dû avoir peut-être des messages, des mots homophobes de monsieur Jean Thomas, hein, je sais pas, voilà, les juges là-dedans, ça pue, tout ça pue, et c'est vrai que c'est dur de garder son calme des situations. Moi, je t'avoue que Rien qu'en réécoutant l'histoire, ça m'énerve, quoi. Il y a un truc là qui a noté, c'est que premièrement, c'est le titre de la Gazette. Hein. Donc la culpabilité des journalistes dans le merdier ambiant, merci, elle n'est plus à démontrer. Donc la bonne femme explique qu'il a menacé de mort des positifs à l'autorité publique. L'autre titre aurait pu être « Une lesbienne dégénérée et pédophile tente de corrompre une gamine de 12 ans ». Voilà, déjà tu rends un petit peu plus justice à ce qui s'est passé véritablement. C'est même pas ça, c'est qu'en plus ils ont mis inquiet pour sa sœur, alors inquiet avec des guillemets, c'est-à-dire que bon en fait, non ouais, en fait il s'en foutait de sa sœur, il avait juste envie de menacer les gens de mort par pur plaisir, voilà. Tu vois. C'est un fou. Il avait juste envie de brûler des lesbiennes, de s'amuser et d'en faire de la soupe, quoi. Non mais c'est complètement délirant, c'est hallucinant. Et comme quoi. Moi, ça m'amène à une réflexion quand même. Des fois, je croise des gens, vous savez, de cette droite très individualiste qui vend en fait l'Ubermensch, qui vend l'individu et qui est très, on va dire, presque moqueuse de cette humanité en difficulté et qui dit c'est bon, aujourd'hui, si tu fais tout bien, tu t'en sors, comme à n'importe quelle époque, tu t'en sortiras. En réalité, un être, l'être humain n'est pas un individu. Hein, on dépend de la société depuis qu'on est né. On est des prématurés. On a besoin de nos parents très tard. Ensuite, on est vieux. On a une vieillesse qui dure très longtemps. On a besoin de nos enfants quand on est vieux. Donc, l'homme a besoin intégralement de la société. Donc, le mal qui nous entoure nous rattrape. Vous pouvez être un Ubermensch autant que vous voulez, le mal qui vous entoure vous rattrapera toujours, que ce soit la drogue, l'homosexualité, tous ces problèmes vous rattraperont à partir du moment où vous avez une vie réelle, avec des connexions réelles, des personnes autour de vous. Donc tous ces problèmes sont pas à prendre à la légère, ils sont pas à prendre avec le cynisme, le mépris le mépris de classe, quoi. J'aime pas trop ces termes-là parce que j'ai l'impression d'être un marxiste quand j'utilise ces termes à la con, mais vous voyez de quoi je parle, c'est ces mecs très à droite qui pensent que tout ça leur arrivera jamais et qui méprisent tous ces problèmes d'homosexualité, de meufs qui se font tringler par des nègres. Ça peut vous arriver avec votre fille, ça peut vous arriver avec votre cousine, votre nièce, votre mère, n'importe qui. Tout le monde peut se faire rattraper par ce problème. Donc il faut les prendre à bras le corps. Il faut pas être arrogant, il faut pas se prendre pour un Ubermensch. Surtout, il faut s'attendre au pire, c'est-à-dire parce que le type là, il a rien fait, comme le disait Derek, ça arrive à l'un de nous. Il peut arriver même des trucs pires. Imaginez votre sœur qui se fait tringler par un négro ou quoi. Imaginez ce que vous serez, ce que vous deviendrez. Vous risquez de vous prendre 15 ans de tôle. Concrètement, n'importe qui ici risquerait de se prendre 15 ans de tôle, malgré qu'on soit des êtres rationnel et qu'on soit capable de faire les choses à froid. Il y a des moments qui peuvent tous nous dépasser, quoi. Donc il faut, en fait, on vit une époque déjà où qui nous est tellement hostile où il faut s'attendre au pire, se préparer au pire. Et ce genre de petit cas anecdotique, lui, il lui arrive quasiment rien par rapport à ce que vous pouvez imaginer, hein, dans la vie de tous les jours, quoi. Vous essayez de sauver une gamine, vous fracassez le mec, vous le tuez. C'est devant les juges rouges, c'est 20 ans, vous prenez 15 ans alors que vous avez voulu sauver une vie. Donc voilà, se préparer au tragique, quoi, sur le plan individuel, quoi. Alors, oui, ça c'est on touche du doigt là, ce qui se passe en fait, c'est que... Les gens, précisons une chose, les juges, les magistrats en France sont formés idéologiquement. Ça c'est très important à comprendre. Les juges ne sont pas des gens neutres. Ils ne le sont jamais, mais ceux auxquels on a affaire ne le sont certainement pas. Donc ils sont formés à l'école. Et il y a une sous-culture, on parlait du monde universitaire, vous avez des facultés de droit. Intéressez-vous à l'histoire du droit en France, intéressez-vous à la philosophie du droit en France, celle qui est enseignée, vous découvrirez qu'en substance, en France, est enseigné un droit marxiste. La conception du droit est marxiste. Donc, par exemple, c'est si vous avez un criminel, vous avez affaire à quelqu'un qui est une victime de la société, n'est-ce pas? Mais attention, ça marche pas pour les Blancs. Les Blancs, puisqu'ils appartiennent, au peuple dominant, etc., sont considérés comme des exploiteurs. Donc, ce qui explique les jugements qui paraissent aberrants, ceux qui sont dotés de sens commun, qu'on voit dans la presse tous les jours, mais qui sont, totalement normaux au regard de cette philosophie du droit qui est défendue... avec cynisme et cruauté par ces magistrats. Et là, le cas, voilà, ça fait la jonction avec ce qui est diffusé maintenant au niveau du gouvernement français. donc qui est le LGBTisme dogmatique. Voilà, ça on y a, le féminisme aussi, bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'il a voulu faire, ce garçon? Ce jeune garçon de 24 ans, visiblement, c'est quelqu'un qui a quand même des problèmes dans sa vie. Hein. Il sortait de détention, dit-il. Il y a 20 ans en arrière, on aurait entendu parler de ça, de diffusion de pornographie avec des jeunes filles de 12 ans pour les débaucher, en entendant que derrière, il y a une majeure. Hein, il y a une femme de 19 ans qui est lesbienne, qui veut l'entraîner en ville, etc. Bon, là, on est sur un cas manifeste de pédophilie, hein, manifeste, hein, détournement de mineurs, à tout le moins, mais pédophilie aussi. Là, les questions, tous les signaux s'allument. Qu'est-ce qu'on a affaire à quoi, là? C'est quoi? Il y a un réseau, il y a de la prostitution, qui est où, là? C'est la bonne femme de 19 ans qui est convoquée devant à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police, n'est-ce pas? Et le personnel éducatif comment réagirait immédiatement? Or, là, c'est toute la mécanique s'inverse. C'est celui qui tire la sonnette d'alarme qui est considéré comme le danger. Donc c'est l'homme en général, mais l'homme blanc en particulier, parce que là, Thomas, a priori, c'est un blanc, lui, on lui interdit de remplir sa fonction. Donc, et là, ne doutez pas un instant que derrière tout ça, il y a un point de vue idéologique, une pratique, une praxis, quoi, si vous voulez, des magistrats qui visent en fait à briser sciemment les hommes blancs, toujours dans l'idée d'empêcher l'homme blanc d'être le maître, non seulement de son territoire, mais de remplir sa fonction de maître, précisément. Parce que les gens pensent que maître, c'est un privilège. Non, c'est pas un privilège, c'est une série d'obligations. Et donc, par ce genre de mesures castratrices, répressives, abondamment ensuite relayées dans la presse, parce que ça, la presse adore relayer ce genre de trucs, parce que ceux qui font l'information sont des gauchistes eux-mêmes, ils disent, bah ouais, vous avez vu ce que ça coûte, hein, si vous essayez un petit peu de faire les malins, voilà, attention. Voilà où on en est, quoi. Voilà où on est. À côté de ça, vous avez des violeurs, les mecs, ils rigolent, hein, ils prennent, pour certains, ils s'évaporent même dans la nature. On a des cas comme ça. Hein. Il y a un migrant, il a été acquitté dans le nord de la France, là, en Normandie, je pense qu'on a relayé cette affaire-là. Le mec a violé une gamine, une mineure aussi, je me rappelle. Je sais plus de quel bled il venait, je crois que c'était le Soudan. Il a dit, j'ai pas compris, je pensais qu'elle était consentante, etc. Mais c'était culturel. Voilà, les magistrats ont dit oui, bon, il y avait une différence de culture, ça passe. Il y a pas de viol. Ils venaient du Bangladesh. Bangladesh, voilà, parce qu'ils ont dit il y avait pas l'intention du viol. Donc c'est quand même fou, quoi. Maintenant, l'intention qui est déterminée par les juges prime le fait. C'est-à-dire que un mec du Bangladesh peut mettre, excusez-moi l'expression, son pénis dans le sexe d'une gamine de 15 ans contre son consentement. Ce n'est pas un viol si le propriétaire du pénis en question venant du Bangladesh considère qu'elle était consentante. Mais je veux dire, bon, ça c'est pas du tout sorti du cerveau malade, comment dirais-je, d'un esprit complotiste d'extrême droite. C'est la presse régionale normande. C'est la presse régionale normande. Et on voit, et les magistrats, je veux dire, ils ont un intellect. D'accord ? Ils sont passés les concours de la magistrature, etc. Donc quand les mecs font ça, ils savent les saloperies qu'ils sont en train de faire. Ils le savent. Mais dans leur esprit taré, dont on a eu par ailleurs un aperçu dans le courrier des lecteurs avec l'italienne qui se fout à poil en plein cours, là. Ces gens-là trouvent ça normal. Donc leur folie devient normale. Et donc ce qu'on voit avec ce jeune garçon, c'est dramatique, parce que ces gens-là, ces magistrats, ils sont 8000 en France, hein, ces terroristes, à l'exception de, je sais pas, il y a peut-être 100 ou 200 magistrats qui font preuve de probité, mais tout le reste sont des terroristes. Et ces mecs-là, ces types-là, peuvent mobiliser toute la force publique pour écraser une personne. Et ce Thomas-là, bah, s'il s'amuse à aller jusqu'au bout, quoi, à vouloir remplir son rôle de grand frère protecteur jusqu'au bout, et en se rebellant, en disant au magistrat « mais vous êtes qui pour me juger ?» etc., machin, c'est un enfer. Vous comprenez? Et bon, c'est... ils veulent radicalement domestiquer l'homme blanc, l'offrir en victime expiatoire à tous les sauvages de la terre, c'est absolument évident, et à tous les dingues. Et pendant ce temps-là, bah, leur gamine, voilà. Et mais, comment dire? Alors là, c'est un réseau pédophile, plus ou moins organisé, on ne sait pas trop, homosexuel en tout cas, mais vous remarquez, hein, ça transparaît, enfin, je veux dire, dans l'article du journaliste, y a, à aucun moment, il y a une interrogation sur le fait que la mineure s'est vue proposer des sorties en dehors du cadre scolaire avec des nanas connues pour des orientations sexuelles. Comme ça, hein, il n'y a pas d'interrogation, hein, c'est normal. Hein, bon. Je veux pousser un petit peu plus loin. On parlait des nègres qui menace les blancs, etc., de les pendre, un petit peu comme Conrad avec son clip de rap là où il met en scène la pendaison des blancs, et le viol de leur gonzesse. Bah, c'est ça le projet. Les magistrats, ils veulent détruire les hommes blancs, et puis ensuite, avec les blanches qui restent à côté, désarmées, on les livre aux animaux. Magdam nous a rejoint, je le précise. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Magdam. Personne, non? Pas spécialement? D'accord, on passe à la rubrique suivante, alors. Si. Plus par rapport à une petite synthèse de tout ce qu'on a dit, je note quand même qu'au niveau de l'éducation, il y a un petit problème, quoi. Que ce soit pour torturer des nègres, à les éduquer à boire du thé, le cas de ce jeune qui va demander de l'aide au corps enseignant, enfin en tout cas l'équipe pédagogique de l'école de sa sœur, ou encore notre premier auditeur là qui nous a fait un état de l'université, ce pays ressemble de plus en plus à un asile quand même. Hein. Non, c'est la France est une dystopie, c'est un asile à ciel ouvert. Les fous ont pris le contrôle de l'asile, sous le contrôle évidemment bienveillant des juifs et sous leurs encouragements, mais c'est la réalité, et on voit que tout s'inverse, hein, et du coup l'injustice devient la justice. C'est ça en fait la règle, hein. Ce qui guide le bras séculier du système, c'est l'injustice, hein. Et là, c'est un cas caricatural. C'est même plus à moitié voilé, quoi. Là c'est carrément... Non. Allez hop, on ouvre les vannes, et puis advienne que pourra. Mais on voit une intensification et une intensification de la manifestation de cette folie collective, organisée, hein, je dis, hein, c'est pas, ça vient pas de nulle part. Mais par exemple, quand j'ai cité le cas normand du Soudanais, enfin du migrant clandestin du Bangladesh qui viole une mineure française et que tu trouves des magistrats pour dire il y a pas viol, il avait pas l'intention de la violer, il avait pas compris qu'elle voulait pas. T'aurais dit ça, je sais pas, il y a 10 ans, les mecs t'auraient dit, mais non, il n'y a pas un magistrat qui a été dire ça, vous avez mal lu, il y a un problème. Pas du tout. Maintenant, des histoires comme ça, ça ne surprend plus personne. Il n'y a plus personne, si vous voulez, qui n'est étonné de la dernière folie d'un juge rouge en France. Enfin, moi, en tout cas, moi, je... Voilà, alors des fois, il y a des cas extraordinaires qui sont un petit peu plus forts de café que... ceux auxquels on est habitué, donc on tousse encore un peu, mais globalement, on devient tous immunisés à la connerie des juges néo-communistes, quoi. Voilà, et ça devient de plus en plus fou. De plus en plus fou. En plus de tout le reste, hein, médiatiquement, politiquement, quoi. Mais c'est cohérent, hein, je veux dire, regardez ce qui contrôle le monde universitaire, le monde médiatique, le monde politique. Il suffit d'écouter les dirigeants, hein. Il suffit d'écouter ce que dit la communication officielle gouvernementale. Voilà, rappelez-vous là le témoignage du courrier des lecteurs où il dit il parle de femmes de 4 ans maintenant dans la littérature universitaire. Bah, ouais, on parlait de la pédophilie là. Il y avait une nana de 19 ans qui veut détourner une gamine de 12 ans. Bon, c'est une lesbienne. Bon. Bah, qu'est-ce que vous trouvez dans l'université? Dans la littérature, comme je disais, officielle des universités françaises, vous trouvez qualifiées de femmes des filles de 4 ans. Alors ça peut peut-être plaire à un public musulman, hein, c'est possible, mais voilà. Ou juif, voilà. De toute façon, un public sémitique. Enfin, non, c'est. Mais je veux dire, il faut pas sous-estimer la détresse, parce qu'en plus, il y a pas de solidarité chez les blancs. Il y a pas de solidarité communautaire, c'est-à-dire que vous pouvez être sûr d'une chose, hein, si jamais il y avait, je ne sais quoi, autour d'une gamine. D'une famille de musulmans dans un quartier machin, et que pour X raisons ils estiment qu'il y a quelqu'un qui a voulu s'en prendre à leur gamine, le juge il a intérêt de donner un verdict qui correspond aux attentes de la famille. Sinon ça se termine très très très mal. Chez les blancs on peut les persécuter, il n'y a pas de solidarité communautaire chez les blancs. Ils sont trop individualistes. C'est ça le problème. Oui, et puis nul doute que les fonctionnaires qui ont été insultés ne porteront pas plainte. Je pense que ça se passe en fait bien en amont. Hein, les profs qui doivent se faire insulter par... à Avignon, je pense qu'il y a beaucoup de manouches. Hein. Beaucoup d'arabes. Ouais, beaucoup d'arabes aussi. Mais bon, globalement, les profs doivent fermer leur gueule et c'est évident que le directeur adjoint, enfin le principal, et les pions ne seraient même pas intervenus, en fait. Ils auraient laissé la chose se gérer entre guillemets, en interne entre familles. Et puis, vu que là, le mec est blanc, bah forcément, ils ont voulu faire du zèle. Et vu que, en plus, tu touches aux lesbiennes, hein. Les lesbiennes sont quasiment intouchables. D'une part, parce que c'est des femmes. En plus, elles sont jeunes. Donc là, c'est sûr, crime de vouloir défendre, en fait, l'intégrité de sa sœur. Le mec est considéré comme un criminel. Mais même quand elles sont pas vieilles, de toute façon, il y a vraiment un problème avec ces minorités sexuelles. Je connaissais un club de sport qui, justement, avait une équipe féminine. Et bon, il y avait des lesbiennes de tout âge, mais elles avaient 25, 30 ans, quoi. Et les responsables de l'équipe féminine avaient dû mettre le holà, puisque ces contestes-là prenaient les jeunes de l'équipe et puis sortaient, faisaient des soirées entre filles, mais il y avait plus que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des espèces d'initiations et tout, et les responsables avaient dû dire vous êtes lesbiennes, vous êtes lesbiennes, en revanche, les filles qui ne le sont pas, vous n'essayez pas de les transformer, et puis tout vos trucs sexuels, vous le foutez, vous le gardez pour vous, et en dehors du truc, quoi. Ah ouais, c'est en plus, c'est très, ouais, c'est chez les jeunes filles, c'est très très fréquent. Ceux qui aiment bien Lucien Rebatté, ouais, on a eu un aperçu dans les deux étendards, hein, puisque la jeune fille qui est dans le triangle amoureux des deux étendards était, salie par une lesbienne. C'est la raison du départ de la jeune fille en Turquie, je crois, dans le roman. Alors, messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 3, guerre raciale à Grenoble. Ça fait une semaine maintenant qu'il y a des émeutes dans tous les sens, ça s'est peut-être un peu calmé ces derniers temps, à voir. Résumé des faits, que je vous livre vite, c'est dans la presse, donc voilà. Alors, samedi, il y a 10 jours, hein, parce que là, l'émission est diffusée le mardi, comme vous le savez, donc il y a 10 jours. Bon. Samedi, vers 21h10, une patrouille de la police municipale de Grenoble a voulu contrôler un scooter sur lequel se trouvaient deux jeunes hommes sans casque qui, tout en roulant, dégradaient des voitures stationnées sur le cours Jean Jaurès à Grenoble. Donc. Bon, inutile de mentionner que ce sont des Arabes. Hein. Mais le conducteur du scooter a refusé le contrôle et le deux-roues s'est évaporé dans les rues grenobloises. Une heure plus tard, un équipage de police nationale dans une voiture sérigraphiée a voulu contrôler un scooter du même type dépourvu de plaques d'immatriculation qui circulait tout feu éteint et sur lequel se trouvait un homme non casqué. Le scooter ne se serait pas arrêté et, après avoir brûlé au moins un feu rouge, est entré dans le quartier Mistral. Quelques minutes plus tard, des policiers de la brigade anticriminalité, donc la BAC, qui s'était approché du quartier Mistral à bord d'une voiture banalisée, en ont vu sortir un scooter du même type, également dépourvu de plaques d'immatriculation, sur lequel étaient jugés deux hommes sans casque. Après avoir discrètement suivi le deux-roues, les policiers de la BAC auraient été identifiés, et une course-poursuite s'est engagée. Le scooter se serait engagé sur l'A480, au niveau du parc Bachelard, en direction du nord, plus loin. Le scooter serait sorti de l'A480 pour y rentrer à nouveau dans le sens inverse. Et c'est alors que le scooter sortait de l'autoroute, au niveau de Cessinet-Parisais, que l'accident s'est produit. Selon les images de vidéosurveillance du réseau routier et le témoignage du chauffeur du car, ce dernier aurait vu un scooter et un gyrophare bleu dans son rétroviseur. Il aurait alors serré sur la droite pour laisser les deux véhicules le doubler, mais au même moment, le conducteur du scooter aurait entrepris de le doubler par la droite. Et le deux-roues et ses deux passagers se sont alors retrouvés coincés entre le car et le mur. Les bicots ont été ignoblement écrasés. Voilà, tout est filmé. En l'état actuel de l'enquête, il n'y a eu, selon nous, aucun choc entre la voiture des policiers et le scooter ou le bus, a expliqué le procureur de la République de Grenoble. Éric Vaillant ajoute que le travail des policiers était totalement justifié. Il fallait essayer de faire ce contrôle. Outre le fait que ces deux passagers ne portaient pas de casque, le scooter roulait de nuit, sans plaque d'immatriculation, son comportement était suspect et il mettait en danger les autres usagers de la route. Le scooter d'une cylindrée de 125 cm3 aurait été dérobé à Grenoble, ouais, il était volé. Entre le 13 février et le soir du drame, les investigations n'auraient pas encore permis d'établir laquelle des deux victimes était au guidon. Les deux jeunes grenoblois qui ont perdu la vie dans l'accident étaient connus de la justice. Une information judiciaire va être ouverte pour recherche des causes de la mort et un juge d'instruction devrait être nommé lundi. Une autopsie des corps des victimes devrait également être pratiquée lundi. Les dépistages d'alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants pratiqués sur le chauffeur du car se sont révélés négatifs. Un appel à témoins est lancé. Toute personne ayant assisté à une partie des événements ou ayant des éléments apportés à la connaissance des enquêteurs peut contacter la police ou se rendre à l'hôtel de police de Grenoble. Alors ça c'est le bon, ça c'est l'événement, hein, c'est l'événement, le point de départ en fait des troubles, parce qu'évidemment dans la foulée. Le classique, hein, mon fils il a rien fait, hein, donc voilà, qu'est-ce qu'ils font? Manifestation, et en fait, manifestation avec des banderoles. Ah, écoute, moi, parce que je vois qu'il y a eu en 4 jours d'émeute plus de 60 bagnoles brûlées, et encore, j'ai pas le compteur à jour, et pas de blessés, et une seule interpellation. Donc ça fait quand même pas beaucoup. Une police qui se restreint. Hein. Ouais, là du coup, il décide d'être beaucoup plus gentil. Je sais pas, j'ai vu récemment des gens qui se faisaient borgner sans raison, alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'air de Grenoble qui adoucit les flics? Ou est-ce qu'ils auraient peur de taper sur des crouilles? Je sais pas. Tu suggérerais que les flics sont des immondes de fiottes? Je me posais la question, parce que visiblement, ces gens brûlent des bagnoles sans aucune raison. Parce que bon, je veux dire un truc, moi, j'y crois plus, quoi. C'est un biais culturel, excuse-moi. Ouais, enfin bon, les deux crouilles, ils sont morts tout seuls, quoi, toi. Ils sont morts en faisant les cons. Donc, Non, moi, je veux dire, la version de la famille, c'est qu'ils ont été... poursuivis, illégalement, puisque ils n'avaient pas été poursuivis en raison de la nature de l'infraction qu'on leur reprochait. Donc en fait, soupçons de scooter volé, les flics n'ont pas à le poursuivre. Ouais, enfin bon, à un moment donné, tu vois, quand dans une sortie d'autoroute, tu doubles un autocar par la droite, forcément, si le mec se rabat... Sans casque, Darwin... avec des Darwin Award, hein, j'ai envie de dire, hein, Darwin Award. Ouais, non, mais c'est des blés bougnoules sont stupides, on est bien d'accord. Alors en plus, l'air de Grenoble, ça doit les désoxygéner, donc à mon avis, ça doit donner du bougnoule, mais ça c'est les bougnoules hors sol, quoi. Les bougnoules des montagnes, à mon avis, ça doit donner du crétinisme au carré. Mais c'est une gestion mafieuse. Tu vois, c'est que ça marche comme ça dans le Qaïda. Dans le Qaïda, quand tu as, deux bougnoules qui passent l'arme à gauche, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que demande la famille du bougnoule? Il demande le prix du sang. C'est ça, ouais, qui se passe. Il te demande le prix du sang. Bon, alors, je pense qu'en plus, c'est pas deux petits bougnoules... sans histoire, quoi. Parce que plus dans le rang social le bougnoule tué est élevé, plus le prix du sang est élevé. Ouais. Donc c'est très certainement des gens issus des familles, et c'est ce qui se passe généralement dans les émeutes, c'est que c'est jamais en fait la mort de petits gris sans envergure qui déclenchait des émeutes. C'est toujours la mort des petits frères d'un grand dealer ou d'une grosse racaille à chaque fois qu'ils crèvent pour des raisons évidentes, hein, c'est le darwinisme, c'est une loi naturelle. Et bien là, ça pète. Et on est vraiment dans ça dans le Qaïda, et moi ça me fait de la peine, parce que Grenoble est une ville avec un potentiel formidable qui a vraiment été mais pourri par le marxisme et la bougnoulerie, quoi. Quand tu vois le potentiel de cette ville, le potentiel industriel, culturel, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu un centre communiste avec l'Algérie, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Ah bah du coup, tu me donnes pas envie de la visiter, cette ville. Bah, c'est dommage, hein. Il y a beaucoup d'opportunités pour des petits blancs. Parce que, bon, il y avait de la nouvelle technologie à une époque. Mais ils ont eu un maire communiste, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Enfin, un vert, mais pastèque, quoi. Un vert, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Et depuis, c'est la déchéance. Mais bah, bon, c'est pas la première fois qu'on parle de Grenoble ici, hein. Ah non, non, non, c'est connu, c'est connu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Arabes à Grenoble. Il y a toute une pègre, d'ailleurs, qui pilote d'ailleurs le trafic de migrants, faut le savoir, oui. Ça, avec la frontière italienne. Là, avec, oui, en relation avec les autres, là, la frontière un petit peu plus bas. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est les Roux et Roux et compagnie, ouais, c'est toute la mafia, ouais, ils font passer ça là. Non, non, c'est une plateforme de la pègre maghrébine, quoi, mais... Bon, bah voilà, guerre raciale. Moi, ce que j'observe en premier lieu, c'est l'attitude de la police. Hein. La discrétion de Castaner, hein, très discret cet homme. Là, il n'y a pas de grand, là, y a pas de grande phrase, il n'y a pas de déclaration choc, il n'y a pas. On voit la loi de la République passera, et là, on déploie des grenades. Ah non, non, là, c'est au contraire. Hein, on déploie un peu de policiers, oui, quand même, pour canaliser un peu. Mais bon, on les laisse joyeusement cramer pendant 4-5 jours, une bonne semaine là, à tout foutre en l'air. Ça fait une belle image hein, pour la ville, hein, à n'en pas douter. Et puis ensuite, on va ramasser les morceaux, on fera quelques interpellations, évidemment. Et puis au final, la presse de gauche va faire tout son boulot. Parce qu'évidemment, alors autant la presse de gauche, observez bien, comment dire, est solidaire des flics. Quand en fait hein, y a un mouvement social avec vraiment les contribuables blancs qui se mettent en colère, là tout d'un coup, au secours, République en danger, nos forces de l'ordre, nos forces de police, les remparts de la République. Mais alors quand la situation redevient un peu normale, et qu'il y a des bougnoules qui se font calibrer, ou qui se font savater, ou qui meurent pour X raisons, et que les flics se font prendre un parti, tout d'un coup, ah non... Y a-t-il eu un manquement, voilà. Et ça, c'est une histoire qui va durer des années. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment faire des enquêtes, il y aura un procès, parce que les flics de là-bas, ils n'ont rien fait de mal. En fait, ils n'ont rien fait de mal. Même pas de loin, si vous voulez. Mais il va y avoir un procès quand même. Il va y avoir un appel du procès, il va y avoir la cassation. Bon, dans 10 ans, on y est encore, si vous voulez. Ils vont faire voilà, Traoré, ils vont faire le numéro 2. Le quoi. Truc Traoré, voilà, ça va durer. Ils vont mettre une famille. Voilà, voilà, mais, ouais, ouais, voilà. Donc ça, c'est ça le truc, c'est ça qui est hallucinant. C'est que, et là, certains juges y mettent du leur, hein, faut pas s'en douter. La presse, bien évidemment. Donc c'est marrant parce que la police, du coup, finalement, bon, si vous voulez, ces mecs-là, comme je dis, hein, ils s'en servent, le pouvoir s'en sert quand il est directement menacé. Mais sinon, on n'en a rien à faire. Hein. Et d'ailleurs, savez-vous, moi je l'ai lu dans la presse, mais savez-vous que les Arabes de Grenoble ont lancé la traque sur Internet pour essayer de repérer les flics impliqués dans cette course. Ils ont repéré deux flics, mais ils n'avaient rien à voir avec les événements, mais ils ont repéré deux flics, et sur Internet, enfin leur profil Facebook, ils ont essayé de faire des recoupements pour identifier leur lieu d'habitation, pour ensuite se venger. Tu parlais le prix du sang, voilà, ils veulent du sang, ils veulent des représailles, voilà, bon. C'est, bah, ouais, c'est... non, mais là, c'est bien ce qu'il faut entendre dans le mot justice, hein. Que ce soit cette histoire, ou même l'histoire là des deux, du nègre et du bougnoule mort dans un transformateur, ou de tout ce qui concerne la famille Traoré. Pour eux, la justice, c'est deux des nôtres sont morts, donc deux des vôtres doivent l'être. C'est ça la justice pour eux. Ça n'a rien à voir avec la justice. Argent, hein. Argent. Oui, argent. Oui, ou argent, ouais. Ou argent. En fait, la vision tribale, la conscience tribale, parce que nous, on a, par exemple, qui sommes sûrement les plus tribalistes des Européens, c'est-à-dire qu'on a une vision où on a conscience que notre prochain Européen a plus d'importance que les autres et qu'on a un destin commun avec lui et tout ça. Mais malgré tout, on reste, comme tout Européen, avec cette responsabilité individuelle, cette conscience de l'individu et tout ça. Et en fait, il y a quelque chose de très effrayant avec ces gens qui ont la vengeance tribale. Parce qu'en réalité, vous pouvez, par exemple, avoir un problème avec un voisin bougnou, le type sera capable, en premier, si c'est un petit problème, il empoisonnera votre chien, déjà. Ce qui est une énorme saloperie. Je veux dire, combien d'Européens font ça? Très, très peu. Et je sais que ça arrive quand même. Hein. Mais tu vois, de s'en prendre à un tierce innocent, quoi. Ensuite, si l'embrouille monte un peu, il s'en prendra à votre femme, à votre gamin, à votre fille, et jusqu'où ça s'arrêtera. C'est ce qui est très effrayant avec ces gens-là. C'est pour ça qu'il faut pas prendre de gants. Il faut être très efficace quand on a des embrouilles avec ces gens-là. Il faut savoir où on a les pieds. Ces gens-là sont capables d'aller sur des terrains où vous n'avez pas l'habitude d'aller, à savoir toucher votre entourage, quoi. La vendetta tribale. La vendetta tribale, c'est en Europe, ça n'existe que en Albanie, un petit peu en Corse, un petit peu dans le sud de l'Italie, mais ça n'existe quasiment pas en Europe. En revanche, il y a des pays où il y a des coins du monde où la vengeance tribale est la règle. Donc, vous et votre fils, c'est la même chose. L'unité est au-delà de l'individu. L'unité, c'est la famille, voire le clan. Donc même vous, et c'est ce qui est arrivé, je sais pas si vous voyez l'histoire récente du jeune rappeur qui faisait des 100 millions de vues. Hein. C'était le rappeur français que tout le monde écoutait à l'international, de 20 ans, un jeune Congolais ou je sais pas quoi, MHD. Le type s'est retrouvé dans une embrouille tribale de quartier contre quartier où ils se sont attaqués violemment jusqu'à couper les couilles, couper le nez d'un innocent juste parce que c'était le quartier voisin. Ça, c'est leur vision à eux. C'est pour ça que les embrouilles avec ces gens-là doivent être bien mesurées. Il faut comprendre que eux ne jouent pas sur les terrains sur lesquels nous, chevaliers européens, ou en tout cas descendants de chevaliers européens, on aimerait jouer. Eux, ils jouent sur des terrains où tout est crade, tout est horrible, les principes n'existent plus. Plus rien n'existe, quoi. Ces types sont hideux. Ouais, t'as tout à fait raison, Asté. Quand tu parles, par exemple, du bougnoul qui va buter ton chien, il y a eu le cas, là, dans le sud de la France. J'avais trouvé une pétition y afférent. Il y avait eu un différend entre un blanc et certainement des arabes du coin qui avaient été... Ils avaient été engueulés par le blanc parce qu'ils devaient foutre le bordel, je sais pas quoi. Et les mecs, pour se venger, avaient attrapé son chaton et l'avaient décapité. Donc déjà, il y a deux problèmes. C'est-à-dire qu'il y a la souffrance animale et puis en plus, le fait que bon bah j'ai un chat, c'est pas un animal qui peut se défendre comme un chien. Et puis en plus, quand c'est un chaton, ça exacerbe encore le côté dégueulasse. Et... Pour en revenir à ce que tu disais, et par rapport à leur mentalité, c'est la même chose quand on parle, par exemple, de toutes leurs récriminations par rapport aux crimes passés. C'est-à-dire que je ne vois aucun Européen demander des comptes aux Arabes et aux Nègres pour les crimes que les leurs ont commis à travers les siècles, ou même maintenant, je veux dire, aucun Européen ne va dire « un des vôtres a violé une blanche, on va violer vos sœurs ». Bon, déjà, parce qu'on a envie de violer des négresses, mais en plus, parce que c'est complètement... Enfin, c'est pas nous, c'est illogique, c'est effectivement une mentalité tribale et sémitique. Et si nous, par exemple, comme tu dis, les plus tribaux de tous les Européens sommes venus là, c'est qu'on s'est bien rendu compte à un moment que l'ethnocentrisme européen qui considère à penser que tout le monde pense comme les Européens est une stupidité sans nom, et que lorsqu'on est confronté à des gens qui ont une façon de fonctionner qui, de facto, les rend dangereux pour nous, puisqu'ils ont une solidarité qui nous manque, n'avons plus la cohésion nécessaire pour lutter contre eux, eh bien c'est normal que nous développions en fait un contre-tribalisme qui revient à nous replonger dans les racines en fait tribales de ce que nous avons été en fait. C'est-à-dire qu'à cause de ces putains de sémites et ces putains de nègres, nous sommes obligés quelque part de revenir un peu en arrière, même si je pense que l'individualisme forcené est une très mauvaise chose. Et d'ailleurs, je finis là-dessus, c'est-à-dire que on nous dit que nous devons payer, ça c'est un très bon argument d'ailleurs, on nous dit que nous devons payer pour la colonisation, l'esclavage, bon, la Shoah qui n'a pas existé, ce genre de choses. Mais, comme tu le dis si bien, je veux dire, dans notre système de pensée, si, imaginons Astérix, quelqu'un, bon, ben c'est Astérix qui paye. C'est pas ses parents, c'est pas son entourage, ses amis et compagnie. Non, c'est lui-même, c'est sa personne, c'est son individualité en fait, son individu qui va payer, quoi. Alors que chez ces gens-là, nous sommes tous collectivement coupables d'avoir, enfin, d'être les descendants, d'être des proches de ceux qui ont commis des crimes il y a plusieurs centaines d'années. Donc de facto, il y a deux visions du monde qui ne peuvent pas cohabiter. Et c'est pour ça que nous devons faire comprendre ce genre de choses à nos contemporains, à savoir que si nous ne nous mettons pas à refonctionner de façon tribale, nous serons bouffés par des gens qui, eux, ont une cohésion qui, de facto, nous est supérieure. Voilà. Et si nous ne voulons pas être racistes, si nous ne voulons pas être condamnés à être racistes, il faut absolument pas qu'on soit mélangé à des gens qui, eux, le sont dans leur nature profonde. D'ailleurs, les gars, vous avez vu le réflexe balle d'Éric Drouet par rapport à cette affaire ? Oui, oui, oui. Bon, il est un arabe de sang. Hein. Mais on ne sait pas de quelle origine, lui, réellement. Bah, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Apparemment, il serait d'origine algérienne. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, je spécule. Ah, il a l'air un peu mélangé, mais c'est ça quoi ça sent c'est le Portugal, quand même. On ne sait pas. Mais Éric Drouet, bon, c'est pas un nom d'arabe, c'est évident. Non, non. Donc, ce serait par la mer. Donc, la mer aurait des origines étrangères. C'est tout à fait possible. Hein. Oui, alors ça, c'est le point supplémentaire qu'il faut ajouter. Cette espèce de... Bon, alors, ils ont jamais été, comme le mouvement des Gilets jaunes n'a jamais été structuré, n'a jamais eu de chef ou quoi, il y a eu des porte-paroles ou des figures qui émergeaient sur les réseaux sociaux. On a eu effectivement un... Alors, on a eu, évidemment, avec les émeutes, bon, fatalement, l'extrême-gauche, hein, parce que ce sont quand même des chiens, donc, par l'odeur des poubelles à lécher, les chiens d'extrême-gauche sont sortis, ont essayé de copuler avec leurs amis arabes, et barbus, hein, parce que si vous regardez les cortèges, bon, très clairement, hein, on est plus proche, en tout cas, on est entre le Qaïda et Al-Qaïda, j'ai envie de dire, visiblement. Et donc, l'extrême-gauche, qui n'a pas de troupes, à part quelques branleurs antifa, s'est dit qu'ils allaient essayer de copiner. Donc, ils nous ont fait de la propagande, et, les violences policières. Là, bah, moi, j'ai l'impression que c'est le Troisième Reich. Hein, voilà, mais bon, voilà. Et sur ces entrefaites, on a donc Drouet qui vient... ajouter sa contribution, hein, que personne n'attendait ni ne sollicitait, pour dire à quel point il soutenait la famille qui était la famille d'Arabes qui était victime de la répression policière. Alors que c'est exactement l'inverse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure un petit peu précédemment, quoi, hein, c'est qu'au contraire, il n'y a pas de répression policière. Précisément pourquoi ? Parce que ce sont des Arabes. Et que le gouvernement sait que les Arabes sont confrontés, il y aura du sang, hein, il y aura de la violence, il y aura des flics qui se feront blesser ou buter, et qu'en face, il y aura d'autres Arabes qui se feront buter. Bref, un merdier, laissons-les cramer tranquillement. Donc non, il n'y a pas de violence, ça n'a rien à voir avec les Gilets jaunes, c'est la manifestation de ça. Et on a Drouet qui nous fait ça, parce qu'en fait, il s'est fait rattraper par la manche depuis maintenant plusieurs mois, par la clique de Mélenchon. On l'a vu poser avec Raquel Garrido, cette espèce de maître cube de graisse infâme d'Amérique du Sud, maqué avec un mec au profil racial particulièrement louche qui s'appelle Corbière. On a vu Maxime Nicole, bon, dans ses délires, voilà. Et puis, c'est des mecs qui sont quand même des négrifiés mentalement, quoi. On l'a déjà dit, mais bon, Maxime Nicole avec sa casquette à l'envers, c'est pas possible, quoi. Hein. C'est clairement pas possible. Et voilà, et donc, y a rien d'étonnant à voir, hein, ces gens-là. Je parle pas des Gilets jaunes, hein. Je parle de voir ce type de porte-parole, parce que c'est leur sociologie. C'est leur sociologie, en réalité, c'est leur sociologie. C'est-à-dire que c'est pas des bougnoules de banlieue, c'est pas des bougnoules de banlieue, mais c'est des gens qui voisinent avec ça, et qui sont bougnoulisés mentalement. Ils écoutent peut-être les mêmes rappeurs, ils ont peut-être les mêmes affinités en termes de ci ou ça. On a vu des Arabes traîner autour d'eux. Bref, c'est la banlieue française. Alors, pas dans le cas de Maxime Nicole, mais dans le cas d'Éric Drouet, c'est ça. C'est ça. Hein, c'est ça. Il y a une responsabilité que tu n'as pas ciblée. Moi, c'est quelqu'un qui, a, pour certaines raisons, je défendrais. Pour d'autres raisons, je lui mettrais bien la tête dans le caca. Mais Soral a une grosse responsabilité là-dedans. Soral a fait croire à beaucoup de gens qu'il y a la France insoumise. En tout cas, les gens de la France insoumise avaient un destin. Soral a beaucoup marxisé l'extrême droite, a beaucoup fait croire à cette espèce d'union en faisant complètement fi de la réalité, parce que comme tout bon intellectuel relativement coupé des réalités, il ne se rendait pas compte en réalité que l'hostilité de ces gens-là sur le plan du terrain, tous leurs hommes de terrain en réalité ont une hostilité envers l'extrême droite qui est telle que toute réconciliation est absolument impossible. Et en fait, faut pas croire, mais l'influence d'égalité et réconciliation a été quand même considérable ces 15 dernières années. Et dans ce mouvement, en réalité, la gauchisation du mouvement vient du fait que notre extrême droite est finalement assez réceptive à cette union avec l'extrême gauche, y a cru. Moi-même, c'est pas que j'y ai cru, mais je me suis dit on pourrait quand même foutre un bon boxon si l'extrême gauche foutait leur antiracisme dans la poche, quoi. En fait, c'est la seule chose qu'on leur demande de foutre dans leur poche, c'est leur antiracisme et leur immigrationnisme patenté. S'ils arrivent à foutre ça dans la poche, on peut faire quelque chose avec ces gens-là. Et moi, je pensais que là, avec les gilets jaunes, on était bien parti pour, et Sora y est pour beaucoup. Il nous donne à tous ses espoirs en nous vendant ce discours depuis 15 ans. Et moi, je pense que c'est un discours qui est quand même assez frelaté. L'extrême gauche a maintenant été beaucoup trop loin dans son antiracisme et beaucoup trop loin dans son hostilité envers l'extrême droite, son anticlérisme, enfin tout. Ils ont été trop loin dans tout pour remettre quoi que ce soit en cause et ils nous détestent à la vie, à la mort, quoi. On est leur ennemi juré bien plus que... Ils seront dans la lutte horizontale pour la vie, ces gens-là, en fait. C'est des petits, c'est des mesquins. Le gauchiste, le gars d'extrême gauche se définit par sa mesquinerie et sa petitesse. Donc ils seront toujours à nous baver sur les rouleaux, ils seront toujours à nous casser les burnes. Et il n'y aura aucune manifestation à faire en commun avec ces gens-là. Oui, bon, on l'a vu. Hein, donc c'est vraiment les marges, hein, qui essayent de se coaguler. On a eu le Rodriguez aussi, hein. Roborant un petit peu de notre thèse là sur certaines thèses raciales qu'on affectionne ici ou là avec Besancenot, hein, main dessous, enfin bras, bon, non, point levé, oui, point levé avec Doumé était là aussi, je crois, ça, oui, puis ensuite derrière devant des l'espèce de crouille à la voix, oui, il y a un crouille salafiste dont on a su par ailleurs qui droguait une blanche, enfin une pute à bougnoule, qui la camait en fait pour vider son compte bancaire. Enfin bon, voilà, toutes les joyeusetés des bougnoules, quoi, je veux dire, hein. Voilà, c'est ce fond là. Bon, en même temps, c'est pas étonnant, Drouet vient de Melun. Bon, voilà, c'est l'univers de ces gens-là, c'est ça, c'est voilà, c'est le rap ayant beaucoup fait, hein, aussi. Ouais, c'est clair. Le chauffeur de mouche. Qui se prend en photo avec la sœur Traoré, c'est mon dieu. Bah on a Ludowski, en fait, aussi, on a eu la négresse, Ludowski, elle a carrément sympathisé avec Traoré, cette espèce de grosse négresse qui veut des sous, qui veut l'argent. Ouais, qui mais veut pour le... Ludowski, ah, bon, ouais. Moi je n'en veux pas pour ça. Tu vois, c'est normal. Oui, non, voilà, oui, je suis d'accord. Effectivement, c'est une négresse dans sa nature. Le Normand, là, oh putain, mais. Je sentais qu'il y avait un truc pas clair. Hein. Je veux dire, un type de 30 piges qui porte une casquette en mode je revendique ma uiguritude. C'était cousu d'avance. Je porte des casquettes de temps en temps. Hein, voilà. Bah, ouais, faudra voir après comment tu les portes, hein. Je veux dire, faudra voir comment tu les portes. Est-ce que tu mets les oreilles dans ta casquette? Non, mais est-ce que tu portes une casquette à l'intérieur aussi? Make America Great Again, ça va. Il y a marqué England et MAGA, non, je plaisante. Bah, je suis désolé, quand t'es blanc et que tu rentres dans un bâtiment, sauf si tu as une raison professionnelle de garder ton chapeau, tu enlèves ton couvre-chef. C'est la base de la bienséance blanche. C'est vrai. Oui, donc fait, voilà. Quand tu rentres dans une cathédrale ou même ailleurs, mais après, bon, t'as des tenues vestimentaires qui sont effectivement très symptomatiques du ouïgarisme. Après, bon, c'est bon. Alors expliquez, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être largués au ouïgarisme, expliquez quand même le truc, ce que c'est. Bah, un Uyghur, en fait, c'est la contraction de deux mots anglais, c'est white et nigger, donc c'est un nègre blanc. Ah, c'est ça. Donc le wiggerism, c'est la négritude blanche. La négritude blanche, en fait. Ouais, exactement. C'est un Bounty à l'envers. C'est un Kinder Bueno White. Ah, mais c'est dramatique, j'ai... on en est là. Ouais. En revanche, j'ai une question, parce que... moi, je me pose la question, c'est-à-dire que on a vu quoi comme représentant des Gilets jaunes? On a une négresse avec un nom polonais. Ouais. Donc déjà, la négresse polonaise, j'ai du mal à y croire. On a eu une Jeanne d'Arc du Bénin, hein, je t'arrête. Hein. Oui, c'est vrai. C'est... Français que toi. Ouais, c'est vrai. Arrêtez ou je vais commencer à faire du Mon Dieu donné, là. Alors, il y avait quoi? Il y avait Jacqueline Moreau aussi, la rombière. Ah, C'est celle qui parle aux morts. Voilà. Ouais, qui fait tourner les tables. Ouais, elle fait tourner les tables, ouais. Donc, on a eu Drouet avec son profil racial un petit peu bizarroïde. Qui était celui qui tenait le mieux la route, hein, globalement, jusqu'à sa dernière sortie de route, là où là c'est désastreux, mais bon. Ça sortait du ronron, quoi, tu vois, c'était assez à son mérite, quoi, de doser, oui, à franchir ce genre. Mais après, en fait, après, il s'est fait. Et voilà. Mais il y a lui. On a eu donc l'enculeur de mouche, le Maxime Nicole. Et bon, il y a eu bien Rodriguez. Sûr. N'a qu'un œil, Rodriguez. Ouais. Bon, donc mais. Il parle comme un. Voilà. Non, la rouquine aussi, là. Ah oui. Le vavasseur qui a vendu son cul, qui s'est vu un destin, voilà, c'était ridicule. Non, mais quand t'as un nom de famille comme ça, déjà tu restes chez toi. Hein. Bah, moi je vais pas accabler quelqu'un pour son nom de famille, bon, sauf si c'est un truc genre la bite, si c'est la bite, c'est sûr, c'est un peu compliqué, mais. Non, mais le vavasseur, non, mais ça sort d'où ça? Bref. Mais qui c'est qui est allé les chercher, ces gars-là? Parce que je suis persuadé qu'il devait y avoir des gens plus intéressants qui manifestaient ou qui localement. Attends, il y en a des un figures. Autre, excuse-moi, je suis obligé de te couper, mais il y a l'autre, là, le porte-parole avec sa chemise bleue et son gilet jaune. Bon, ah ouais, non, au secours, François Boulot. Son nom. Oh, Boulot, je sais pas si c'est François. Mais alors, lui, si tu veux, quand les types en parlent sur les forums, t'as l'impression que. Ouais, c'est Platon, en fait. C'est Platon. L'avocat de Rouen, là. Ouais, il a pas sa carte à la France Insoumise, par hasard, bah, aussi, lui. Le type qui a la même chemise bleu ciel tout le temps, avec un gilet jaune dessus. C'est, ouais, non, mais c'est je crois que c'est un. Il a un peu une gueule de. C'est un mec du NPA. Ça, je crois que c'est un mec de chez Besançon. Une gueule de. Il a une gueule de Lego, tu vois, genre, tu sais, il est un peu toujours pareil. Tu le mets dans le décor et tout, il tient le micro, mais tu sais, il a les yeux grands ouverts, il bouge pas. Enfin, c'est marrant. C'est vraiment marrant, quoi. Question, c'est est-ce qu'il connaît l'UPR surtout? Putain, c'est Asselineau. Ah non, Asselineau, il a pas réussi à caler un porte-parole dans cette histoire. Putain, il doit rager. Hein. Ah ouais, non, mais du coup, moi, je me pose la question, qui c'est qui est allé chercher ces gars-là en particulier, quoi? Est-ce que c'est. Je sais pas. Non, c'est pas le destin, quoi. Si tu veux, c'est des trucs qui émergent comme ça, des mecs qui focalisent l'attention parce qu'à un moment donné, ils vont avoir une sortie, ils vont faire une vidéo qui va faire mouche, ils vont avoir une bobine ou un trait. Par exemple, le Maxime Nicole, je pense que ce qui a beaucoup contribué à faire focaliser l'attention sur lui, c'est sa barbe rousse, en fait. C'est un trait de visage comme ça qui sort un peu de l'ordinaire, tu vois. Il a une bobine qui est pas tout à fait comme les autres, donc tu la retiens, sa marque, tu vois. La rouquine, le vavasseur, bon, il y a peut-être un danger rouquin, je sais qu'Astérix aime bien les défendre, je sais pas, mais la rouquine, le vavasseur, bon, c'est une jeune femme, elle a la trentaine, elle a les cheveux roux, elle arrivait à faire des phrases au début, c'est pendant les quelques premiers jours, elle donne un peu l'illusion, et ensuite, ça commence vraiment à foirer, tu vois. Voilà, c'est quand tu les laisses vraiment s'exprimer, ils n'ont pas du tout. Attends, Asterix, là, tu... ils n'ont pas l'expertise des blablateurs professionnels, parce qu'on ne se rend pas compte, mais tous les journalistes de plateau télé, de radio, que ce soit les animateurs, les intervenants, c'est des mecs, c'est des professionnels de la désinformation. Les types peuvent prêcher le faux pour savoir le vrai, inversement, ils peuvent se faire passer pour ce que tu veux, ils sont extrêmement, extrêmement plastiques dans leur façon de se comporter, ça, c'est des rois du blabla, tu vois. Ces gens-là, ce qu'on a vu là, les Maxime Nicole et compagnie, c'est pas des professionnels. Et on leur, alors sur YouTube, etc., enfin le grand public leur passe les gaffes, leurs références, ils s'en foutent en fait. Mais quand t'arrives sur un plateau de télé avec les spotlights, etc., des mecs en costard cravate où c'est leur boulot, et que tu commences à raconter des trucs, ils te coincent tout de suite, ils vont te choper un truc, ils sont déjà en train de te préparer le coup d'après, tu vois. Et là, tout se dégonfle. Je crois que c'est ce qui s'est passé en fait. Les mecs, en fait, sur Internet, ça marchait. Tu les fous sur un plateau, ça commence à partir. Parce qu'ensuite, les autres vont les voir, en dehors des plateaux. Ils reçoivent les coups de téléphone du gouvernement, des envoyés du gouvernement, de partis concurrents, on les fait miroiter des trucs, on leur bourre le mou, on leur file de fausses informations, on les menace. Les types deviennent fous. Par rapport à la question que se posait Captain, à savoir d'où sortaient ces gens-là, moi, au contraire, je le comprends assez bien. Je trouve que par rapport à ce qu'était le mouvement des Gilets jaunes, il pouvait émerger, et même que ce genre de type. Moi, j'ai été sur les ronds-points. Je pense que Captain y a été encore plus que moi, mais moi, je suis passé en France et j'ai été un petit sur les ronds-points pendant que j'étais en France. Le niveau était affligeant, sérieusement. C'était des gens ultra sympathiques. Alors, ça dépendait des régions. J'y étais dans plusieurs régions. Mais c'était des gens sympathiques. C'était le brave peuple. Mais les gens d'Internet aujourd'hui qui fréquentent les forums, qui sont politiquement formés, sont des gens qui n'ont presque plus rien à dire au niveau des idées aux gens de tous les jours. Et surtout quand ils ont notre radicalité, c'est-à-dire qu'avec notre radicalité, il faut avoir des couilles qui touchent le sol, il faut se les être trempés dans l'eau froide, arriver avec une armée de 5-6 Golgoth pour pouvoir exprimer ne serait-ce que la moitié des idées qu'on a exprimées. Sinon, vous aurez forcément des rouges qui vous mettront le grappin dessus, c'est évident. Donc en fait, nous, on a même plutôt eu de la chance que ce soit. Parce que je crois que Drouet et Nicole sont deux soraliens. Donc on a même plutôt eu de la chance qu'ils ne soient pas des extrêmes gauchistes et que, en fait, leur neutralité, c'était quoi? C'était juste dire à l'extrême gauche, nous refusons vos étiquettes. Puis petit à petit, à cause du Rodriguez qui lui était un plus infiltré que les autres, qui lui était un rouge clairement, eh ben, petit à petit, le mouvement s'est fait bouffer à cause de cette baltringue de Rodriguez, œil dans la poche, comme l'appelle Captain. Et ce mec a rendu ce mouvement rouge, quoi. Mais sinon, les soraliens ont failli sauver le mouvement de notre point de vue, parce que la neutralité jouait en notre faveur, c'était évident. Je vous propose de faire une pause musicale et de nous retrouver pour la deuxième partie de l'émission, chers amis. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode numéro 10. Alors, avant d'entamer le premier sujet de la semaine, je voulais brièvement parler de ça, puisque ça m'est tombé sous les yeux, c'est dans l'Observateur de cette semaine. C'est Sophie Montel, vous savez, Sophie Montel, c'est l'eurodéputée anciennement Front National, elle a été 30 ans au Front National, et puis ensuite, elle a participé à la scission philippotiste, en tant que femme à chat en surpoids, hein, qui fait de son cheval de bataille, je crois, la... oui, Brigitte Bardot, le physique en moi, en gros, hein, c'est ça, elle aime les animaux. Et là, bon, après, elle a quitté Florian Philippot aussi, évidemment, et là, elle a écrit un bouquin dans lequel elle règle ses comptes. Alors, je n'ai pas malheureusement pu lire le livre, il y a eu des recensions dans la presse, mais il y a un extrait qui ne m'a pas échappé, une petite sous-partie de l'Obs qui s'appelle « Personne ne veut gagner les élections », entre autres, hein, l'article qui parle de son sujet. Alors voici ce que ça raconte. « Jean-Marie Le Pen devrait être rassuré. Il n'est pas le seul dans ce parti à n'avoir jamais voulu du pouvoir. Au FN, la direction se contrefiche du véritable pouvoir politique parce que l'opposition est somme toute plus rentable et confortable. » Elle n'oblige pas aux mêmes responsabilités, aux mêmes devoirs, aux mêmes sacrifices. Pas d'acte d'abnégation. Bruno Bilde, le conseiller spécial de Marine Le Pen, ne dit d'ailleurs rien d'autre. Combien de fois l'ai-je entendu s'exclamer, l'air inquiet et désabusé, si demain nous venions à emporter l'élection présidentielle, sur un malentendu, on sait jamais, nous serions forcés de partir en moins de 6 mois dans un grand éclat de rire général. » Alors, c'était en coup de vent, c'est une brève, ça a fait mention de, comment dirais-je, ce bouquin qui vient de sortir. Alors on pourra dire qu'il y a de l'aigreur, qu'il y a des règlements de compte, mais je pense quand même que le fond est vrai là, pour ce qui concerne. Et je ne pouvais m'empêcher de le citer, parce que bon, ça va mieux en le disant, je pense qu'effectivement... Marine Le Pen est là pour la gamelle, hein. Voilà, elle a une rente de situation et elle serait la première emmerdée si elle devait devenir présidente de la République. Enfin, après nous, hein. C'est tout à fait évident. Et vu la taille de son arrière-train et de l'arrière-train de sa nièce qui va finir notamment comme sa tante, la gamelle a l'air très bonne. Effectivement. Qui veut peut-être s'exprimer là-dessus ? Bien un reportage, moi, sur Jean-Marie Le Pen. Où, ah oui. Il y avait des gens qui disaient, c'était la session maigrettiste du coup. Après coup, les types disaient, mais en fait, Jean-Marie Le Pen avait le même discours en privé, quoi. Que Dieu nous en garde. Quand on lui disait vivement le pouvoir, Jean-Marie Le Pen répondait que Dieu nous en garde. Ah, intéressant ça. Mais je pense que c'est tout à fait juste. Hein. C'est une info qu'il faut vraiment diffuser. Là, j'appelle les auditeurs. Diffuser au maximum cette info-là, en fait, pour que les électeurs frontistes prennent véritablement conscience de ce pourquoi ils votent, quoi. Parce que plus la défaveur pour le FN va être grande, plus on pourra voir l'émergence de partis bien plus proches de nos idées. Bah déjà, si on pouvait voir des partis sérieux qui travaillent, ça serait intéressant. Enfin, si jamais... Mais moi, je crois pas vraiment... Je crois même pas aux partis, en fait. Je veux dire. Mais bon, admettons, imaginons, juste pour l'exercice. Oui, mais bon, je crois que le temps est passé, en fait, hein. Parce que tous les partis, en fait, s'effondrent. Hein. Vous avez qu'à regarder, les Républicains, voilà. Le parti de Macron, c'est que des bras cassés. Le Parti Socialiste n'existe pratiquement plus. La France Insoumise, c'est des guignols. Je suis désolé, il n'y a aucun parti sérieux. Voilà. Non, ça n'existe pas. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Ce que j'aime pas trop dans le sous-entendu, si au bout de 6 mois, on se barrerait tous dans un grand éclat de rire, c'est qu'en réalité, c'est ce qu'aurait dû faire Macron. Macron aurait dû se casser dans un grand éclat de rire au bout de 6 mois. Donc on a affaire qu'à des tocards et Marine Le Pen n'est pas plus tocarde que les autres, donc faut pas. Ah, elle est quand même beaucoup plus tocarde que Macron. Excuse-moi. Je veux dire, Macron, il est entouré de glandus. Lui-même est un glandu sur plein de sujets. Mais enfin, il est quand même plus sérieux que Marine Le Pen. Hein. Je veux dire là. Je suis pas d'accord. Non, lui c'est un mec qui bosse. Je veux dire, à l'origine, c'est un mec. C'est un peu pendant le débat d'ailleurs. Non, moi sur les questions techniques. Macron était au top, sur les questions techniques. Bah non, mais c'est un mec, je veux dire, c'est un fonctionnaire, c'est un haut fonctionnaire, c'est quelqu'un qui va quand même au boulot tous les matins à 8 heures, il a des, voilà, il règlement, bins, machin, etc., il fait des meetings, etc. Alors bon, l'utilité, ça c'est autre chose, mais enfin, c'est quelqu'un qui a une activité professionnelle, à l'origine, j'entends. Et après, sa politique, c'est autre chose. La personnalité du bonhomme, c'est autre chose. L'information que Marine Le Pen n'avait pas, enfin, c'était une énorme arnaque. Non, non, non, non, arrête, arrête. Tu vas pas me vendre Marine Le Pen après son départ calamiteux et en plus en sachant que c'est une gourde finie. Enfin, je veux dire, faut arrêter. Oui, quoi. Non, non, mais c'est une gourde, mais moi, j'aime pas qu'on dise que les autres sont plus sérieux qu'elle. Franchement, j'aime bien être juste, quoi. Elle est gourde, bah, ouais, mais bah, pas juste que Macron. Non, c'est le cas, c'est le cas. C'est ça le truc, c'est que t'es pas juste. Là, tu t'essayes de faire mousser la vieille Le Pen qui est en course en disant, ouais, non, mais quand même, non, non, non, objectivement. Que t'aimes ou pas la politique de Macron, c'est évident que Macron est un pro. Sur les questions européennes et économiques, moi, je suis en désaccord quasiment tout avec Macron. J'aimerais certainement pas me retrouver à un débat face à Macron, il me tue. Et Le Pen, toutes d'ailleurs, tous les Le Pen, c'est pareil. Sur les questions techniques, ces gens-là sont extrêmement précis et efficaces. Et la grosse Le Pen, elle est un peu la ramasse, hein. Macron, il a pas été coopté pour rien. Et ah non, d'ailleurs, le problème, c'est justement qu'il est efficace. C'est ça qui est dérangeant. Ouais, il est très efficace. C'est quelqu'un qui a une capacité en fumée qui est assez phénoménale. Jamais Marine Le Pen peut faire ça. Marine Le Pen, alors comme tu aimes citer cette phrase, Astérix, on a les défauts de ses qualités. Mais Marine Le Pen est quelque part beaucoup trop médiocre pour être performante en politique. Elle est peut-être même un peu trop sincère. C'est-à-dire qu'elle est, elle n'arrive jamais, elle n'est pas au niveau de Macron du point de vue de la dialectique et de la rhétorique. Elle a une gouaille populaire qui a fait sa force. Mais Macron, c'est un as de l'enfumage. Et d'ailleurs, il y a un doc mais qui est très très intéressant à voir où t'as ses anciens camarades de prépa. Les mecs disent, ce type-là, dans les colles, hein, donc les questions qu'on pose en prépa, avec des profs qui sont quand même des pointures, hein, les profs de prépa, et ses potes disaient, Macron arrive à enfumer les profs de maths. C'est-à-dire que le prof de maths pose une question, Macron répond totalement à côté de la plaque, mais globalement, quoi, il a réussi à séduire son prof. Et le prof a oublié la question qu'il a posée à son élève. Sujet suivant. Là, on change complètement. On va en Israël, pas loin d'Israël. Et c'est la presse israélienne qui nous en parle. Et je vais vous livrer cette histoire magnifique. J'espère que j'aurai des réactions de Fulbert, émerveillé, des étoiles dans les yeux, d'Eric aussi, hein, ne désespérons pas. Alors, les centres d'aide aux réfugiés de Grèce sont principalement administrés par des Israéliens. À Lesbos, il y a une école israélienne pour les réfugiés syriens, iraniens, irakiens et afghans. Cela fait partie d'un plan visant à révolutionner le concept de Tikkun Olam ainsi que le volontariat juif dans le monde. Le concept de travailler à l'édification d'un monde meilleur est maintenant adopté par une organisation juive majeure en concertation avec l'État d'Israël. L'agence juive travaille maintenant donc avec l'organisation Mosaic United sur un projet commun qui doit augmenter massivement le nombre de jeunes juifs impliqués dans la restitution de ce qu'ils ont reçu à leur communauté locale. Ce concept juif, donc de Tikkun Olam, devient un élément central au sein de la quatrième génération de migrants juifs américains, surtout. Le programme devrait faire croître donc énormément le nombre de jeunes juifs engagés dans des activités sociales afin de redéfinir le terme de Tikkun Olam à travers le travail en faveur de populations désavantagées. Les projets seront menés partout dans le monde, de Porto Rico à la Grèce, au Népal, au Mexique, en Inde et en Éthiopie, à travers des organisations telles que Israed, Projet Ten, Tevel Ptsezek et d'autres encore. Alors là, je cite un rabbin, pour la plupart d'entre eux, donc des juifs, la seule chose qui fasse réfléchir les étudiants au sujet de leur identité juive, c'est quand il y a des manifestations BDS, donc pro-palestiniennes, sur le campus, ou des événements antisémites quelque part dans le monde, indique le rabbin Benji Levy, directeur de Mosaic United. De tels incidents les distancient de leur désir d'être juifs ou associés à Israël. Lévy déclare que le projet a été adopté par le gouvernement israélien il y a plusieurs années sous la direction du ministère des Affaires de la Diaspora. Le gouvernement va investir 66 millions de dollars, soit un tiers de son budget, dit-il. Ma vie entière, durant mon enfance, dans les écoles syriennes, alors là on passe, ça c'est le témoignage hein, d'un migrant syrien en Grèce, donc je le cite, « Ma vie entière, durant mon enfance dans les écoles syriennes, on m'a enseigné que les Israéliens étaient l'ennemi, et la première chose que j'ai vue quand j'ai approché la côte grecque était une étoile de David sur les chemises des Israéliens qui nous ont rejoints et amenés à terre. Celui qui parle est H. » Donc c'est juste la lettre, hein, ils ont anonymisé. « 20 ans, d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie. » H vit dans le camp de réfugiés de Lesbos et selon les Nations Unies, il est l'un des 60 000 réfugiés syriens de Grèce, dont 14 000 d'entre eux vivent encore sur les îles grecques. H est l'un de ceux qui est resté. Nous le rencontrons à l'école gérée par Israed et les volontaires de Hatshomer Hatzair, un mouvement de jeunesse socialiste et sioniste juif. Il est employé comme professeur à l'école où il enseigne l'arabe à sa classe de 25 élèves âgés de 6 à 9 ans. J'étais le plus vieil élève de l'école et ils avaient besoin d'une aide éducative en arabe, donc je suis devenu un professeur, dit-il. Bientôt je partirai pour Athènes, maintenant j'ai une autorisation officielle. L'école et les enfants vont beaucoup me manquer. Plusieurs milliers de réfugiés vivent à Lesbos, tous attendent le même titre de séjour que celui qu'a reçu H, qui leur permet de quitter l'île pour le continent, Athènes en particulier. Dans le même temps, Israël et Hatshomer Hatzair essaient d'aider les réfugiés qui sont en attente. Ils sont arrivés sur l'île avec la plus grande vague de réfugiés en 2015, quand des milliers arrivaient chaque jour. Aujourd'hui, les Israéliens sont le dernier organisme à fournir de l'aide humanitaire sur l'île avec un centre communautaire isolé, financé par l'Union européenne et les autorités grecques. À Lesbos, les bénévoles israéliens ont créé l'École de la paix, qui a 4 classes en différentes langues, arabe, dari, kurde et français, pour les réfugiés du Ghana. Oui, les réfugiés migrants de Syriens du Ghana. Tous les professeurs de l'école sont des réfugiés de la communauté. Il y a également un coordinateur grec qui assure la liaison avec le système éducatif grec et enseigne les langues. La plupart des enfants devraient quitter la Grèce pour d'autres pays européens comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, qui ont des systèmes d'absorption, je cite hein, la presse israélienne, des réfugiés plus efficaces. Ils apprennent donc l'anglais. Les Israéliens de l'école comptent des élèves d'Iran et d'Afghanistan, de Syrie et d'Irak, et l'État juif, longtemps diabolisé, a une nouvelle image ici. Comment puis-je dire que vous êtes l'ennemi, dit H. Je n'ai eu de contact avec les Israéliens que par la télévision. Ils nous disaient qu'Israël était l'ennemi, mais la réalité a révélé une vérité bien différente, déclare N, un coordinateur de l'école et réfugié d'Irak. C'est comme dans le Coran, nous sommes cousins. Alors, la presse israélienne, hein, c'est YNet News, c'est de cette semaine, et donc un Dixit, hein, la plupart des centres de réfugiés où se concentrent les migrants musulmans qui veulent aller en Europe, notamment en Allemagne, ou les pays scandinaves, sont administrés par des Israéliens, avec la coordination du gouvernement de Benjamin Netanyahou, hein, qui lutte contre l'islam radical, l'islamisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, j'ai appris que nos pays d'Europe, nous étions des éponges. Des éponges destinées à absorber des nègres. Hein, des nègres de Syrie, du Ghana, du Bangladesh. Voilà, parce que c'est pareil, tout ça. Hein. Putain, c'est juif. Tikkun Olam. Tikkun Olam. Réparer le monde. Hein. Ah ouais, réparer le monde, c'est notre ami Attali qui nous a expliqué ça il y a plusieurs années déjà. Hein. L'altruisme intéressé. Voilà, le concept très présent dans la matrice juive. Hein, c'est le concept de saloper le monde entier pour faire en sorte que ça corresponde à ce que les Juifs en attendent. Voilà. Ah, voilà, c'est ça. Fulbert, je veux t'interroger maintenant sur ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Bah, d'abord, le témoignage en question, là, il pue furieusement la propagande. Tout le monde avait senti, j'imagine. Mais en plus, en supposant qu'il y ait un minimum de sincérité de la part du bonhomme, le type est suffisamment stupide que pour ne pas avoir compris qu'il était passé du statut, en prenant la route de l'immigration, hein, il était passé du statut de Syrien au statut de clandestin. Moi, ce que je trouve quand même, il y a quand même un minimum de conscience. que ce type aurait pu avoir et qu'il n'a pas eu, manifestement. Mais c'est de la propagande. Oui, c'est de la propagande à n'en pas douter. Alors en fait, ce sont des contre-mesures que prennent les Juifs systématiquement partout dans le monde, notamment dans les pays blancs, qui visent en fait à coopter des gens présélectionnés qui vont ensuite se faire les porte-parole du pouvoir juif et des objectifs juifs, en fait. Hein. En France, c'est très connu. Je veux dire, il y a eu une cooptation via les initiatives de Golnadel. On a vu des Arabes anti-islamistes. Charlie Hebdo sert aussi de sas juif pour coopter un certain nombre de maghrébines de ce type-là, hein, qui vont prendre la parole contre l'islamisme. Et ça, bon, tout ça sont des agents des juifs. Hein, voilà. Et en fait, il y a aussi ce type d'initiative, c'est-à-dire qu'ils vont d'abord, il y a un cynisme absolu de la part de ces juifs parce que ils édifient des murs tout autour de l'État d'Israël, ils refusent catégoriquement d'accueillir le moindre musulman dans le cadre de programmes humanitaires machin. Netanyahou a essayé de bazarder ses bougnoules un peu partout, il n'a pas réussi parce qu'il y a eu des difficultés diplomatiques. Mais bon, ce sont des gens qui n'en veulent pas chez eux. Bon. Et on découvre que les organisations gouvernementales israéliennes se situent à la jonction entre la Turquie et la Grèce pour faciliter le passage de ces immenses masses de colons musulmans qui vont en Europe pour violer, bien évidemment, des Européennes, pour commettre des attentats, ça va sans dire, pour s'y installer de toute façon, et ensuite, par le jeu du regroupement familial, faire venir les autres légalement. Alors, là, déjà, premier mythe qui s'écroule, ce serait cette entité israélienne qui serait l'avant-garde de l'Occident contre l'islamisme, etc. Ça, c'est des conneries. Vous avez vu comment se conclut le papier de la presse israélienne, hein. Nous sommes tous sémites, on est des cousins, voilà, ce qui est vrai. Bon, donc en fait il y a deux discours. Il y a un discours pour les occidentaux, Netanyahou joue l'hyper-occidental, celui qui est le protecteur, voilà, de la démocratie, démocratie occidentale, d'une part, et puis en fait ses services vont démarcher les bougnoules en disant « Mais écoute, Mokhtar, on est sémite comme toi, c'est marqué dans le Coran. Alors écoute, pourquoi tu ne vas pas plutôt t'intéresser à ces sales blancs qui vous veulent du mal, etc. » Voilà. Donc on voit le double jeu cynique du juif l'a mis en scène de manière caricaturale. Bon, mais ce sont des mesures de contre-insurrection, c'est-à-dire d'abord la triangulation, ça vous avez bien compris, voilà, on va pousser le musulman en Europe pour qu'il aille foutre sur la gueule des Allemands, hein, une bonne petite revanche talmudique, ça fait toujours plaisir, hein, faire violer des Allemandes par des bougnoules, le juif sourit, c'est tout à fait évident, c'est une politique d'État. Inversement, si on peut déclencher des guerres et faire mourir des soldats américains pour la faire, c'est bien aussi, hein, ça va être contre l'Iran, contre l'Irak, contre la Syrie, contre la Libye, etc. Bon, on les compte plus, donc on voit bien ce jeu-là. Et puis la contre-insurrection, c'est-à-dire on essaye d'instrumentaliser des golems pour diffuser. Vous l'avez vu aussi, quoi, voilà. Donc bon, moi je me suis dit, c'est tellement révélateur de ces gens-là, il fallait le montrer, voilà. Donc. Quelqu'un. Alors par contre, il y a le point intéressant aussi, c'est l'explication théologique, c'est-à-dire qu'il mêle travail de renseignement et de subversion, piloté par le gouvernement, et messianisme juif, avec le concept central de la vision du monde juif qui est Tikkun Olam, c'est qu'en gros, toutes les sociétés non-juives sont des sociétés maléfiques, dysfonctionnelles, qui doivent être judaïsées par les juifs, par le biais de toute une série de réformes politiques, culturelles, etc. Ce qu'on connaît chez nous, hein, puisque la religion de l'Holocauste, c'est ça, hein, l'antiracisme, c'est ça, le féminisme, c'est ça, tout ça, c'est la judaïsation des sociétés occidentale. Voilà, ça c'est réparer le monde. Or, vous constatez, quand vous êtes un blanc d'Europe, que ce programme détruit en fait votre environnement. Hein. Ça détruit vos familles, ça détruit vos villes, ça détruit vos pays, tout devient dysfonctionnel. Mais par contre, le juif considère que ça fonctionne très très bien pour lui. Donc, Tikkun Olam, réparer le monde, du point de vue juif, pas du point de vue goy. Hein. Voilà. Et ça, c'est la démonstration de ce que je viens de dire. Donc, quand les Juifs viennent chez vous pour vous dire « Je vais réparer votre société », fuyez, il y a quelqu'un qui veut vous empoisonner. Hein, la vieille thématique de l'empoisonneur de puits. Quelqu'un veut-il... Déjà, il y a une sérieuse complicité du côté européen hein, dans le monde politique. Il faudrait peut-être gratter un peu là-bas, mais je vois que Angela Merkel a remis un prix, le prix de l'intégration, justement, à cette organisation Israel. Donc, voilà, ça fait le lien, hein, ça fait le lien. Eh oui, voilà. Israël. Israël veut vous aider. En vous envoyant des nègres chez vous. Derek ou quelqu'un d'autre, MacDav, sur cette charité bien comprise. Ouais, non, mais c'est... Donc, le premier truc qu'ils voient quand ils arrivent sur la plage, c'est une étoile de David. C'est... C'est bien, les golems. Après, ils te catapultent des golems partout en Europe qui vont arriver. Non, mais les Juifs, c'est très bien. Sale blanc de merde. Pourquoi tu ne me donnes pas un siège en velours à Mordier voilà. Saleté. Et ils en pensent quoi, les Juifs de droite, les Golnadel et compagnie de tout ça? Ils approuvent? Enfin, toute la juiverie qui se réclame de droite et qui est officiellement contre l'immigration. Bah là, alors, non, elle est de droite juive. Elle est de droite juive, faut préciser. Elle est de droite juive. Oui. Là ce qu'ils en pensent de ça, si tu veux. C'est qu'il y a des stèles qui tombent après des accidents de la route, des stèles en l'honneur des Juifs. Qui tombe, donc c'est grave. Voilà, il y a un problème. Je t'arrête, ce sont des pare-chocs antisémites. Oui, peut-être que les pare-chocs étaient des pare-chocs de voitures allemandes. C'est ça. Il y a intentionnalité dans ce. Là, vous avez vu d'ailleurs, puisqu'on parlait aussi de rancune, de rancœur, de revanche, de mémoire tribale, vous avez vu là que pour les 25 ans de la liste de Schindler, on va nous en foutre partout dans tous les cinémas là. Oui, oui. Oh putain, ouais, j'ai vu ça. Ça longtemps, le film a été remasterisé, donc voilà, je sais pas, ils vont remettre des détails, des jeux d'ombre ou que sais-je. S'ils pouvaient remettre les plans, parce que les plans. Donc ça va ressortir au cinéma. Ça va ressortir au cinéma, paf, la liste de Schindler. Allez, c'est mercredi, ça arrive. Super. Ouais. Et moi j'ai été traumatisé par la musique. Belle musique dans la liste de Schindler, c'est tout. Ah non. Ah non, c'est ça. Ouais, c'est ah là là. Ah, c'est exprès pour tirer les larmes de l'œil. Ah, ça pue le yiddish quoi. C'est ça. Ah, le violon yiddish, ça. Non mais ça craint quoi. Mais littéralement quoi, ça part dans les aigus. Moi ça me fait mal aux dents. Bah ça c'est l'âme juive. C'est dingue. Oh là là. Voilà, c'est ça. Ah ouais, mais ce film-là, moi la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était au collège. Donc, encore une fois, on t'impose ça quand t'es môme. Mais la fin, mais c'est quand tu vois comment il s'appelle l'acteur, j'ai oublié son Liam nom. Liam Neeson qui pleure parce qu'il a pas réussi à sauver tous les Juifs. Non, il y a quand même notre espoir, hein, parce qu'il y a les descendants de Schindler qui déposent des pierres, etc., en Israël. Donc, comme quoi, voilà, ça a permis justement à Israël de faire venir des Syriens du Ghana en Europe. C'est quand même bon, une totalité, quand même, hein, je veux dire. Alors, il y a un truc bien dans la liste de Schindler, moi, j'ai trouvé sympathique le personnage du nazi, quoi. Je crois que c'est le seul personnage du film qui est à peu près sympathique. C'est le nazi qui tire la carabine sur le truc de con. Alors, le truc, c'est que c'est évidemment de la science-fiction, parce que d'ailleurs, il n'y a pas de scène de gazage, hein, si vous regardez bien, il n'y a pas de chambre à gaz, on ne vous explique pas comment ça marche. Hein, il n'y a pas de chambre à gaz dans le film, c'est quand même dommage, parce que c'est le film qui ne parle que de ça. D'accord. Alors on vous montre des scènes dantesques, on voit des corps qui sont brûlés. Alors je crois que c'est dans des fours. En fait, non, pas vraiment dans des fours, c'est en plein air. Mais bon, à un moment donné, il y a une scène aussi où il rentre là dans la chambre à gaz et il regarde les pommeaux de douche de manière anxieuse. Sauf que, parce que les gens croient ça. Hein. Il sauf en sort que... du sang, non? Il en sort. Non, c'est de l'eau. Bah, il y a une espèce de... il y a une espèce de soulagement. Ah oui, non, c'est bon, c'est pas cette fois, c'est pas pour nous. Sauf que dans la version officielle, hein, les Juifs ont jamais été gazés avec des pommeaux de douche. Hein. Je veux dire, c'est des conneries, ça n'a jamais eu lieu. Je veux dire, officiellement, c'est des granulés de zyklon B. Bon, mais visiblement, ils ont pas jugé utile de. Enfin, on sait pas quoi. C'est assez bizarre. Et alors, il y a des suds, des liantes, de trucs. Bon, bref. Enfin bon, bref, c'est ça. C'est... Alors voilà, on repart pour un tour. Alors tout ça dans le cadre de la revanche tribale, quoi. C'est-à-dire que, voyez, nous, par exemple, prenons l'exemple simple des conflits franco-allemands. Il y a quand même eu trois guerres avec l'Allemagne. Entre l'Allemagne et la France. Bon. 70, la guerre de 70, guerre 14-18, guerre 39-45. Bon, notre génération à nous, est-ce qu'on ressent le besoin d'en vouloir aux Allemands, etc. Je veux dire, en général, je ne parle pas de nous en particulier, mais en général, on sent pas une espèce de germanophobie latente, une envie d'en découdre avec les Allemands. À part chez Asselineau. Ça dépend si tu es membre de l'Action française ou pas. Ouais, c'est des marges. Non, mais je veux dire, le peuple, c'est pas vrai. Donc tout ça pour dire quoi? C'est qu'en fait, le temps passe et. On tourne la page, voilà, bon. Mais les Juifs, non. C'est-à-dire que, et là, vous voyez un trait caractéristique de la psychologie, de l'ethnopsychologie sémite, c'est que plus on s'éloigne des faits, plus on en parle, et en plus, on en parle dans des termes de plus en plus délirants. Si vous faites attention. C'est de plus en plus délirant. Et en fait, là, il y a une dissociation, si vous voulez, c'est-à-dire que les Juifs, l'ingénierie sociale juive qui contrôle le gouvernement français et les autres pays occidentaux, voient que si on pouvait baratiner, notamment avec l'aide des communistes, ceux qui ont vécu la guerre et la génération d'après, bon, très clairement, la troisième génération n'en a plus rien à foutre, et que dire de la quatrième, hein ? Donc, ils savent que dans 50 ans, 60 ans... Alors, d'abord, je pense que beaucoup de gens auront appris la vérité, il y aura des convenus, mais ils sentent ça. Donc, ils reviennent. Ah ouais, on va remasteriser le film et on va vous le mettre dans la gueule. Allez, un tour de piste, voilà. C'est dingue quand même, hein. C'est dingue, hein, cette race. C'est fou, quoi. Non, mais en fait, c'est comme les Algériens avec la guerre d'Algérie, en fait, les sémites glorifient le passé au fur et à mesure qu'ils s'éloignent, tout simplement parce que leur présent est médiocre. Donc, pour glorifier le passé, il faut attendre que le présent soit très éloigné, parce que le passé proche, malheureusement, trop de gens se souviennent que rien de ce qu'ils essayent de nous vendre ne s'est passé. Leurs conquêtes à l'époque ne se sont jamais passées. On sait que ça a toujours été un peuple de pleutres qui n'a jamais rien conquis. Ils ont toujours fui, ils se sont fait pogromer aux quatre coins de la terre. Là, même leur soi-disant Shoah, soi-disant comme si ça avait été un peuple sur lequel on concentre tellement d'attention qu'on a envie de tous les sacrifier. Bah, même pas, non, on est passé à côté de ça, on n'a rien sacrifié du tout. Faut enlever un zéro à leur chiffre à la con. Enfin bref, selon certains qui ont étudié la question de près, en tout cas. Et en fait, leur passé est médiocre, comme pour les Maghrébins. Du coup, ils le glorifient au fur et à mesure que ça s'en éloigne, en espérant que le bon goy ait perdu la mémoire, quoi. Et puis, avec leur qualité de marchand, leur qualité de mise en scène, leur qualité d'acting, bah, ils arrivent des fois à nous faire gober des énormes couleuvres, quoi. Des qualités de baratineurs. C'est ça. Il faut remercier les Juifs pour nous donner tous les jours de bonnes raisons d'être antisémites. C'est ça. Loués soient les Juifs. Bah, moi, je ne suis pas né antisémite, mais... Mais personne ? De plus en plus régulièrement, j'ai de bonnes raisons de l'être. Alors même De toute façon, on a vu l'arnaque avec la guerre de Syrie, de toute façon, parce qu'ils sont revenus à... Mais, je veux dire, c'est là que vous voyez que le vendeur se fatigue, parce que ils n'ont pas essayé de nous le vendre une fois en Syrie. C'est-à-dire qu'ils sont venus à plusieurs reprises, plusieurs fois par an, pour essayer d'hameçonner le goy et le décider à déclencher une guerre régionale en faisant intervenir Britanniques, Français... Le gaz voilà. Alors, ils ont pas choisi le truc par hasard, ils auraient pu raconter ouais. Pas. Enfin, à chaque fois, ils n'ont plus d'imagination, chaque fois c'est le gaz. Le gaz. À tel point, je l'avais dit d'ailleurs, qu'ils avaient tranché la question, ils avaient mis officiellement dans leur presse, hein, dans la presse juive, mais de toute façon, ils avaient annoncé qu'il allait y avoir un gazage, les autorités syriennes, corroborées par les autorités russes, de dire il n'y aura jamais de gazage, on s'y engage, ça n'a jamais été programmé, là, c'est garanti, il n'y en aura pas. Les types annonçaient un mois à l'avance le gazage, c'était quand même fort, quoi. Les mecs disent non, il n'y a rien de tout ça, c'est pas prêt, non, on vous assure, on vous garantit, vous pouvez aller voir, etc., machin. Et la presse juive avait tranché ça, mais non, il y en a un parce qu'on a dit qu'il y en aura un. Ça s'était terminé comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui peut succéder à Bachar al-Assad? Est-ce que ce ne sont pas les islamistes qui vont tirer les marrons du feu? Est-ce que Bachar al-Assad n'est pas au fond une sorte de garant? Mais ces raisonnements sont tellement obscènes face à ces images d'enfants gazés d'aujourd'hui que je n'ai même pas envie de les articuler. Rien n'empêche, si on le voulait aujourd'hui, rien n'empêcherait de stopper le boucher Assad. Avec le, je sais pas si vous vous souvenez, là, c'était en 2013 quand il y a eu l'attaque sur la plaine de la Ghouta. Ils ont même été jusqu'à nous ressortir un document qui était soi-disant un document émanant des services de renseignement. Un truc en PDF qui était disponible sur les sites gouvernementaux. Et ils avaient oublié le nom des rédacteurs du document dans les métadonnées. Et je crois que dans les métadonnées, il y avait un nom juif. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Ah bah, c'est étonnant, ça. Bah, c'est très étonnant. Voilà, donc il y avait le grand rabbin d'Israël, Yosef, là j'ai oublié son nom, en 2017, qui dit que Israël avait un devoir moral, ils aiment bien parler de morale ces gens, d'intervenir en Syrie, hein, toujours au nom de l'humanité bien sûr, ils aiment bien parler aussi au nom de l'humanité. Et voilà, hein, donc bon, ça c'est pas fait, bon, mais c'est là que, je veux dire, pour les gens qui croient à ces stupidités, hein, je veux dire, voilà, c'est la Syrie, ils ont refait le même coup. Les armes de destruction massive de Saddam, c'était la même chose. Je veux dire, ils disaient, ah, il a gazé les Kurdes, c'est le même truc à chaque fois. Je veux dire, c'est le même truc à chaque fois. Si demain ils veulent justifier une guerre contre Poutine, ils vont dire, mais il a gazé les homosexuels. C'est garanti. Regardez, Poutine, il en faudra moins. Poutine, là, il est en train de laisser crever les. Poutine, il est en train de laisser crever les. Les ours polaires, donc c'est suffisant. Hein. Non, mais ils ont accusé Kadyrov d'avoir créé des camps de concentration pour les homosexuels. Non, mais je veux dire, ils sont... voilà. Mais le coup de Bachar, c'était vraiment la goutte. Donc voilà, les chambres à gaz d'Hitler, c'est le même truc. C'est le même truc. C'est voilà. Ça s'use, hein. On peut le dire, hein. Ces pays-là qui sont quand même des trous à rats, en tout cas qui sont en train de devenir de plus en plus des trous à rats là, depuis que les guerres y ont été semées, mais ils avaient quand même la grande faculté à se trouver des têtes qui ressemblaient à quelque chose, parce que ce soit Bachar, que ce soit Kadyrov, que ce soit Kadhafi, mais un peu moins, là, avec son botox et ses lunettes de soleil, il faisait un peu, tu l'imaginais limite dans un clip de rap, quoi. Mais il y a eu quand même certaines de... Je parle pas de l'Afrique noire, hein, mais je parle du Moyen-Orient et du un petit peu plus loin, de l'Asie mineure et tout ça. Il y a eu des... Ils ont des bonnes tronches, le commandant Massoud et tout. Enfin, faut avouer que leurs élites ressemblent plus à quelque chose que les sales tronches qui dirigent les social-démocraties européennes, que ce soit de Trudeau à Di Rupio en passant par Macron. Il faut avouer quand même qu'on scoltine des misérables fiottes qui nous feront honte pour l'éternité, quoi, et qui font sûrement honte à nos ancêtres de là où ils nous regardent. Ouais. Mais tu sais que il y a une rumeur qui plane concernant Kadhafi, qui serait le fils d'un pilote anglais ou français de la Seconde Guerre mondiale. Il y a une rumeur qui dit qu'il serait que son père serait corse. Ouais, un pilote corse, ouais, c'est ça. Mmh. Ouais, ça transparaît pas tellement. Ouais. Bon. Non, mais bon, c'est comme la rumeur de Trudeau, fils du Cubain. Ah, par contre, j'y crois beaucoup plus à ça déjà. Hein, parce que ça, c'est là, par contre, c'est troublant. Quoi. Oui, Puis le problème, c'est qu'il y a les photos de maman avec Castro, donc c'est aussi gênant quand même. Donc je sais pas. Puis Castro était un baiseur invétéré. Hein. C'est un homme à femme, Castro. Comme tous les dictateurs comme ça, hein, le pouvoir, ça fait tourner la tête. Hein. Ça fait tourner la vie. Non, mais il faut voir aussi. Bon, moi, je pardonne assez volontiers ce genre d'appétit, parce que, comment dirais-je, le mec a quand même échappé, je crois, au total à 600 tentatives d'assassinat. Enfin, c'est un truc de dingue, je veux dire, c'est quand même... Enfin, les Américains ont voulu le tuer, ce mec-là. Mais quand on dit voulu le tuer, c'est comme al-Baghdadi, quoi. Le mec, il voulait sa tête. Indépendamment de sa ligne politique et de son combat, etc., ou de son régime. Je veux dire, le mec est quand même un miracle statistique. Hein. Bah, donc, c'est un coup de cercueil. De toute façon, on peut même pas savoir qui est l'œuf, qui est la poule, à savoir, est-ce qu'il est devenu dictateur parce que les États-Unis voulaient sa tête, ou est-ce que les États-Unis voulaient sa tête parce qu'il était dictateur? Parce qu'il faut savoir qu'une fois que les États-Unis veulent ta tête, la seule manière dont tu peux t'en tirer, c'est d'être dictateur. Et c'est ce que plein de libéraux ne comprennent pas quand ils parlent du national-socialisme. Ils s'imaginent que Hitler était un tyran qui voulait absolument avoir une caméra dans chaque maison, qui voulait surveiller chaque foyer germain, de l'Empire d'ailleurs après, mais au départ de son pays, de sa patrie, de l'Allemagne. Mais pas du tout. Hitler était quelqu'un qui avait une vision très libre de que ce soit de l'entreprise, que ce soit de la famille, de l'autorité des parents sur les enfants, et il n'avait absolument pas cette intention d'être très directif. C'est simplement que dans une époque où le monde entier veut vous défoncer le cul, évidemment que vous serrez la vis à tout le monde, et le corrompu se prend une balle, le lâche se prend la chaise électrique, je ne sais quoi, enfin, et c'est une évidence, tout le monde agirait de la même manière. Donc les libéraux, quand ils sortent ça sur le Troisième Reich, cassent vraiment les couilles. C'est une fois de plus, c'est vraiment des arguments réchauffés qu'on a entendus 100 000 fois, et faut jamais qu'ils nous les ramènent, quoi. Ça pue du cul. On sait très bien pourquoi Hitler était directif. Il était directif pour sauver son pays et pour essayer de sauver la race blanche face à l'infâme face à l'infâme gouvernement qui a pris place depuis, quoi, et qui dirige l'Europe depuis et l'Occident depuis, quoi. Merci à tous ceux qui ont lutté contre lui, quoi. Merci les Juifs. Hein. Oui, oui, qui d'ailleurs, comme on le voit, envoie des musulmans donc du Ghana, de Syrie, en Allemagne, hein, très activement. En France aussi, hein, ils leur apprennent à parler français, tu as remarqué. Hein. Oui, pour réparer le monde. Ouais, c'est l'expansion de l'espace vital, mais à l'envers, en fait. C'est ça, bah, des bouillons, voilà. Quoi. Et pour rester un petit peu dans le tikounoulam, là, il y a Jacques Attali qui a tweeté là, cette semaine, je sais pas si c'est pour la première fois, mais en tout cas, depuis très longtemps... Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas été fier de son pays d'origine, oui. L'Algérie. Il a dit son pays natal. Puisque bon, le pays est en train d'éclater. Et Tikounoulam, les Juifs vont tout récupérer. Nous allons avoir droit à notre tsunami de réfugiés politiques algériens. Alors, le réfugié politique algérien, bah, j'ai hâte, hein. C'est le nouvel Eldorado, hein, c'est le nouvel or noir. Ouais, mais là, voilà, préparez-vous les gars, ça va arriver. Hein. Moi je vois les vidéos. C'est phénoménal la démographie algérienne. Hein. Ah oui. C'est la moitié de la population à moins de 30 ans, et ils sont combien? Ils sont passés de 15 millions à... Ils sont combien là? 45 millions je crois? Non, ils sont 40 millions et ils devraient atteindre... D'ici la moitié du siècle, 2050 à peu près, voilà. Environ les 60 millions d'habitants. La France, quoi. C'est du socialisme bougnoul qui a été financé par, d'une part, le fric des Français et d'autre part, la rente pétrolière. Quand ça rapportait quelque chose, malheureusement, ça ne rapporte plus assez. Donc, ils ont bien mangé, ils ont bien fait la fête et maintenant, on va chez les Français? Bah ouais. Pour un after, en fait, c'est ça. Ils sont incapables de. Les Algériens sont incapables de. À part égorger des gens, je vois pas quelle est la qualité que peut avoir un Algérien. Ils ont fait parler d'eux cette semaine. Il y a 4 Algériens à Lyon qui ont eu des règlements de compte. Là, c'était très. Bon, c'était vivifiant comme vidéo, ça. Ah, c'est vivifiant, c'est le mot, ouais. Ouais. C'est découpé. C'est... Donc voilà, ils savent pas gérer leur pays. Et quand ça va pas, ben ils viennent en France parce que ces enculés de Français, c'est des enculés, mais voilà. Bah déjà la colonisation, tu leur dois. Hein. Excuse-moi de te le ouais, dire. Ouais, bah oui, c'est vrai, voilà. Tu leur dois l'indépendance. Il faut qu'on s'excuse. Tu leur dois l'indépendance, ça c'est une chose. Puis ensuite, tu leur dois ton pays. Voilà. Bah, par contre, comme partout, c'est un pays qui pue tellement la merde, c'est tellement un trou à que vous savez, c'est les lois universelles de balance, quoi. C'est-à-dire que quand t'es dans un immense trou à, si tu veux t'en sortir, forcément t'es et je crois qu'il y a là-bas quelques Kabyles qui sont vraiment sympas, mais alors par contre ils se comptent sur le doigt de la main, quoi. Ils sont réfugiés dans les montagnes et eux ils s'en prennent plein le cul. Bah oui, ils sont assiégés par les Arabes. Ils détestent les Arabes. Bah en fait, les bougnoules des côtes, c'est des bougnoules qui ont été arabes. Parce qu'il faut voir ce que c'est l'Algérie. L'Algérie, c'est pas un pays, ça n'a jamais été un pays à l'origine. C'est une terre, il n'y avait pas trop de pouvoir. Il y avait juste sur les côtes quelques pirates. Moi, j'ai lu un bouquin extraordinaire dont j'ai oublié le titre, qui était l'Algérie au 19e siècle, qui était un véritable bouge. Ça, c'était littéralement un bordel. Hein. C'était un bordel. Hein. Il y avait toutes les races, c'était ça, hein, c'était toute l'économie parallèle, enfin vraiment, ce qu'on connaît aujourd'hui des villes colonisées par les Algériens. Une espèce de Kosovo méditerranéen, quoi. Ah ouais, un truc puant, mais vraiment puant. Il y avait du juif, il y avait du nègre, des marchés aux esclaves, de la prostitution, déjà de la cam, des trafics, tout. Et puis les Français sont allés là-dedans aussi, ils sont allés fourrer leur nez, parce qu'il y avait quand même beaucoup de trafic en Méditerranée, des raids, etc. Puis au bout d'un moment, bon, il y a eu l'intervention au 19e siècle, quoi. Bref. Et donc, ça, c'est les mecs des côtes. Puis ensuite, t'as les berbères sur leurs montagnes qui sont toujours assiégés, en fait, par ces populations arabisées, mais qui veulent les arabiser de force, quoi. Et toujours aujourd'hui, hein, ils sont enragés avec ça. Et donc, alors, c'est les berbères de Kabylie, c'est compliqué, il y a des mélanges, etc. Mais on va retrouver des traces de populations... Qui était là avant l'arrivée de toutes ces populations puantes de la péninsule arabique, quoi. Voilà. Et je crois qu'ils ont une grande détestation, les Kabyles algériens, une grande détestation pour les Arabes. Non, ça dépend, ça va dépendre. Ça dépend lesquels. Hein. Parce que t'as des Kabyles complexés qui en font des tonnes dans l'algérisme. Alors, ils sont super algériens, super FLN, super, ils en peuvent plus, quoi. Ils sont plus que plus, quoi. Ça, c'est les Kabyles honteux, en fait, qui compensent aux yeux de leurs compatriotes, entre guillemets, pour leur prouver qu'ils sont aussi algériens qu'eux, quoi. Voilà. Mais t'as des Kabyles. Ouais, voilà. Enfin, bref. On va pas rentrer dans la composition ethnique de l'Algérie. Maintenant, c'est vrai que le sujet a un peu dévié, mais je sais pas où ça va aller, ce truc-là. Moi, je sais pas si ça va continuer, s'il va y avoir des graves troubles ou pas. J'en ai aucune idée. Ah, c'est l'inconnu. Hein. Lugan dit c'est le saut dans l'inconnu, cette histoire. Et je le sens très, très, très mal pour nous. Hein. Mais qu'on a été foutre dans ce pays de fils de pute, honnêtement. Alors, à la base, c'est une histoire de règlement de compte mafieux. Hein. C'est ouais. Ça, hein, c'est-à-dire que c'était un repère de pirates. Oui, les mecs venaient sur nos côtes. La Provence, c'était sur les côtes, ils venaient, ils foutaient la merde partout, quoi, depuis des siècles. Ça continue, visiblement. C'est une réalité, mais il y a une autre histoire aussi, c'est que en fait, on leur devait de l'argent parce qu'ils nous avaient avancé du pognon pour fournir les troupes de Napoléon en Égypte. Ça a traîné et 15 ans plus tard, ils continuaient de réclamer le pognon. Et je crois que c'est un des aïeuls de l'ancien du patron du MEDEF, comment il s'appelait, Sellière, qui a été là-haut et pour effectivement pour virer les pirates, mais aussi pour dire bah ton fric on te le rendra pas. C'est ça aussi l'histoire. C'est une histoire vraiment mafieuse. L'Algérie est un pays de mafieux de toute manière. En tout cas, beaucoup moins maintenant. Hein. Maintenant, des pays du Maghreb, ça serait le pays le moins mafieux, à mon avis. Hein. Oula. Ouais, non. Bah, c'est parce que les mafieux ont pris le pouvoir, si tu veux. C'est les mafieux qui ont pris la tête de l'État. Ils s'appellent les généraux, tu vois. C'est... Voilà, c'est des généraux. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Bah, par contre, je crois d'ailleurs. À mon avis, les Juifs, là, ils se frottent les mains parce que y a Attali, là, qui fait sa déclaration d'amour. Il a probablement déjà commencé à prospecter pour voir quelle portion de terre il peut acheter. Enrico Macias doit planifier son premier concert à Oran. La juiverie séfarade qui a été expulsée, ou convertie, dixit, qui a été expulsée en 62, tous ces mecs-là sont en train de dresser des plans pour reconquérir l'Algérie. Enfin, ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est garanti, ça. C'est garanti, ça. On a des raisons d'être inquiets, hein, parce que quand les Juifs se frottent les mains, c'est souvent au détriment du goy. Hein. Bah, totalement. Et ce qu'ils vont faire, parce qu'il va y avoir, moi, j'imagine tout à fait le scénario, ils vont jouer un camp contre l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont, ils feront pression. Bernard et Lévy, va aller au Quai d'Orsay, Macron, faut faire un geste, la démocratie, le truc. Pour l'instant, Macron freine des cas de fer parce que il y a encore deux, trois esprits lucides autour de lui qui doivent lui dire que le truc est extrêmement dangereux. Mais, pendant ce temps-là, ça doit souffler sur les braises là où il faut. Si jamais d'aventure la situation devient hors de contrôle, on pourra compter sur tous ces sales juifs pour dire à Macron, faut faire un geste, faut en accueillir 50 000 réfugiés politiques, ces 50 000 qui deviendront très rapidement 500 000, voilà. Mais en fait, l'idée étant de lâcher un peu de pression dans un jeu de négociation avec le pouvoir algérien pour qu'il lâche du terrain, etc. Et là, les Youpins vont mettre un pied dans la porte, et ça, ils vont tenter le truc, ils vont essayer de faire entrer les États-Unis dans la danse. Je vois le merdier arriver. Bon, je sais pas si ça va se passer. Moi aussi, je sens le merdier arriver, mais... Surtout que, peut-être les plus vieux se souviennent des événements qu'il y a eu en France pendant la guerre civile algérienne. Finalement, ouais. C'était assez limité parce que le pouvoir français et le pouvoir algérien étaient en fait, globalement, ils s'entendaient plus ou moins, et que les services algériens, ils ont noyauté les islamistes. Mais quand je dis noyauté, c'est qu'ils... je crois qu'à un moment donné, le numéro 2 était un agent du DRS, quoi, des services algériens. Là, vu qu'il n'y a plus de... À mon avis, les services vont sauter, hein, si jamais il y a un changement de pouvoir, ça va être un bordel, mais monumental. Et là, il n'y aura plus 2 millions d'Algériens en France, hein. Il y en aura 5, 6, voire 7. Il n'y a pas que 2 millions en France. Ça va être un bordel monumental. Oh ouais, c'est... Oui, je pense qu'on est pas loin de ça. Non, il y a carrément des villes algériennes en France. C'est ça. Non. Parce que ça, on est 10 millions de musulmans en France. Ouais. Enfin, et on se comprend, c'est le on impersonnel. Hein. C'est pas l'espèce de on que beaucoup de gens emploient qui serait inclusif, qui serait un espèce de nous dégénéré. Non, ouais, mais les Marocains et Tunisiens sont très minoritaires. C'est des petits pays, hein, comparé à l'Algérie. Dans l'Algérie, ça me fait penser aux lapins en Australie. Alors, je sais pas si vous vous souvenez ces images. Vu qu'il n'y avait pas de prédateurs, les lapins ont pullulé. Et l'Algérie, c'est ça, quoi. Je veux dire, en un siècle, ils sont passés de 2 millions à 40 millions d'habitants, quoi. C'est des lapins. Alors les gars, deuxième et dernier thème de la semaine, quand même abordé, c'est la disparition de Guillaume Fay. Est-ce qu'on peut dire un mot de la disparition de Guillaume Fay ou de Guillaume Fay lui-même? Certaines personnes voulaient peut-être prendre la parole à ce sujet. Est-ce que quelqu'un avait envie de dire quelque chose? Bah, moi, c'est dommage que j'intervienne en premier parce que bon, bah, je vais quand même les trucs de base, à savoir toutes mes condoléances à ses proches, et puis que c'était un homme qu'on respectait malgré ses défauts, pour ceux qui connaissaient ses défauts. Sur le plan idéologique, il y avait beaucoup de choses à redire, mais c'est vraiment pas le jour où moi je vais discuter de ces choses-là, quoi. Mais il a une œuvre, en tout cas, il a réellement une œuvre, quoi. On peut quand même rendre hommage quand même à son travail d'essayiste. Alors peut-être que certains de nos auditeurs, les plus jeunes, connaîtraient pas Guillaume Fay, c'est possible, parce que c'est vrai qu'il a eu sa gloire, on va dire, il y a quand même il y a 10 ans, 15 ans environ. Et après, il était potentiel depuis. Il a écrit quand même quelques bouquins pas mal. On s'en rend pas compte maintenant parce que c'est vrai qu'on a, avec Internet maintenant, on arrive quand même Alors, à des démocraties participatives, vous savez que toutes les difficultés qu'on rencontre, hein, on va pas épiloguer là-dessus. Mais maintenant, on arrive quand même à parler au moins d'islam et tout, genre de trucs. C'est peut-être pas de racial, mais en tout cas d'islam, on peut le faire maintenant. Et à l'époque de Guillaume Fay, on pouvait pas le faire aussi librement, je pense. Et c'était des coins un peu plus confidentiels, et lui, il a quand même ouvert des portes là-dessus. On peut lui rendre hommage, il a eu des bouquins assez sympas qui ont vraiment fait sauter des verrous mentaux. Donc, merci Guillaume, hein, pour effectivement, si tu nous entends de là où tu es, voilà. C'est vrai qu'il a fait quand même sauter pas mal de verrous mentaux, et c'était un peu un pilier à l'époque, hein, quand même, hein, dans la nouvelle droite, dans tout ce qui il gravitait un peu autour du Grèce. Hein, donc. Sur le tard, certains se moquaient de son vitalisme, parce que c'est quelqu'un qui vendait le vitalisme. Effectivement, il l'a vendu toute sa vie, et à juste titre, parce qu'il a dévoré la vie, il a vraiment eu 50 expériences différentes, il a tout fait, à mon avis, il a tout fait, je pense, à l'excès, quoi. La bouffe, le sexe, l'alcool, les expériences différentes, extrêmes. Bon, après, sur le tard, là, ces 10 dernières années, c'est plus l'alcool qui avait pris le pas par rapport au reste, mais c'est un type qui était l'anti de Benoît, qui pensait que pour écrire des livres, il fallait vivre d'abord. Il fallait s'appuyer sur du réel pour avoir à écrire d'abord, malgré que ce soit un grand idéologue et un grand essayiste, même un grand romancier. Il a fait à peu près de tous les genres, je crois. Si je me trompe, ah ouais, effectivement. De moi et ratez-moi, mais il est quand même beaucoup plus sur les essais. Hein. Il a fait quand même pas mal d'essais. Et il était docteur en sciences politiques. C'est quelqu'un donc qui avait un excellent niveau d'études, qui venait de la haute bourgeoisie parisienne, donc c'est quelqu'un qui venait d'un milieu très aisé, dont il connaissait les codes culturels, dont il n'aimait pas d'ailleurs certains traits, certaines caractéristiques. Donc c'était quelqu'un qui était du dedans et du dehors en quelque sorte, quoi. Et ensuite, il a joué un rôle central dans le Grèce, un peu. On va dire dans les années 70-80, jusqu'à la moitié des années 80. Et puis il a été très tôt engagé au niveau intellectuel, au niveau des idées, dès l'université. Il avait créé un cercle qui s'appelait Pareto, d'ailleurs, si la mémoire est exacte. Donc dès l'université. Et donc il a joué un rôle dans le Grèce, quoi, en tant que secrétaire. Donc il a beaucoup organisé des rencontres, rencontré des intellectuels imminents d'ailleurs, hein. Des articles, il a rencontré Carl Schmitt avec Robert Stokers, intellectuel belge, toujours actif d'ailleurs, Robert Stokers, donc orienté, révolution conservatrice allemande des années 20, et puis donc qui ont finalement repris cet exercice-là, d'ailleurs d'analyse des sur la longue durée, donc de ce qui peut être conservé chez tous les intellectuels, ça peut être la philosophie, les arts, etc., ce qui ne doit pas être conservé. Et est-ce qu'on peut créer avec ça une grille d'analyse globale et proposer une vision complète du monde, ce qui a été la tentative en tout cas du Grèce. Et là, après, il y a eu la rupture. Et comme tu l'as bien dit, Astérix, c'est que d'un côté, on a eu de Benoît, donc en fait le sale prof de gauche, mesquin, bavard, arrogant, abscon. Moi, je trouve de Benoît insignifiant. C'est insignifiant, de Benoît. Vous l'écoutez en conférence, on s'endort, il dit rien. Je veux dire, c'est à peine du niveau de Libération, hein. c'est effrayant. J'exagère à peine. Fay avait sa personnalité. C'est-à-dire que Fay, c'est un personnage, en plus d'être un intellectuel, c'est un personnage. C'est un personnage. Donc c'est quelqu'un, il a ses excès, mais il les assume, je veux dire. C'est pas quelqu'un qui. C'est intéressant avec lui. Je dis pas que c'est ma tendance, mais je veux dire, c'est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui récuse absolument le tabou. Il récuse le tabou. Au contraire, hein, il aime bien transgresser les tabous, voir, tester, repousser les limites, voir par lui-même, hein, expérimenter. Alors, avec ce que ça suppose, hein, je veux dire, les reproches qui lui sont tombés dessus, mais c'est quelqu'un qui n'aime pas le conformisme bourgeois. Et notamment catholique. C'est quelqu'un qui venait de ces milieux-là, en partie, et qui aimait pas ça. Donc il faut voir la trajectoire des gens, il faut voir pourquoi ils évoluent comme ça. Le problème, c'est que Fay a fait dans le trash après. C'est-à-dire qu'il s'est complu là-dedans, et il s'est abîmé là-dedans. Après, moi, il y a. Personnellement. Attends, j'ai pas terminé. Ensuite, il y a eu la période qu'il a fait connaître. Alors, il était connu des intellectuels ou des gens politiques dans les années 70-80. Et après, quand il est revenu à la fin des années 90 dans le monde des idées, il a changé d'approche. Il a pris l'attitude plutôt du polémiste, presque. Donc, en faisant des écrits qui sont des écrits qui tranchent, des écrits qui ne cherchent pas la conciliation. Au contraire, c'est des essais qui assument l'idée de conflit, l'idée de confrontation, de mettre en avant les dangers, etc. Donc ça donne tous les livres qu'il a produits. Alors après, d'inégale valeur, dont certains peuvent rester d'actualité, je sais que Pourquoi nous combattons est généralement considéré comme un livre de référence pour le combat identitaire, le combat nationaliste en général, donc ça reste un bouquin actuel. Il y en a d'autres qui peuvent être contestés, contestables, voilà, ou des tentatives qu'il a fait, mais il a assumé le côté polémiste. Alors que De Benoît, c'est vraiment le bourgeois qui essaye de s'insérer, de gratter la reconnaissance, d'avoir le statut, encore récemment, la preuve de l'effondrement de ce pauvre De Benoît, faire une photographie avec Alain Minc dans Le Figaro, noircir du papier pendant un demi-siècle pour avoir l'impression de réaliser quelque chose en posant à côté d'un gros juif qui a salopé la France avec Ali et compagnie. Je veux dire, faut quand même le faire, quoi. Si vous voulez, par contraste, Faye, avec tous ses défauts, ses excès, etc., bah, il est plus humain. Il est plus humain, voilà, avec ses erreurs. Voilà, plus humain. Après, bah, le seul petit truc, moi, il y avait un goyis, un petit côté goy chez Faye que sur le problème juif, parce que c'est quand même quelqu'un qui avait travaillé à Skyrock, qui avait connu, ayant travaillé à la télé, ayant travaillé, ayant été un Parisien pendant 30 ans, quoi, dans quasiment du showbiz, quoi, qui traîne avec ces gens-là, qui se défonce avec ces gens-là. Je sais qu'il connaît les juifs et leur influence, mais c'est le goy qui n'arrive pas à conceptualiser le... Enfin, je sais pas, il y a un côté dédramatique. Non, il a, ouais, c'est ça. Ça me déplaisait, quoi. Alors, ça, c'est... venons-en à ce point-là, ça c'est intéressant. Ça, c'est que Guillaume Faye n'a pas compris les juifs. Il a cru les comprendre, il a cru qu'il fallait avoir une attitude, comme il dit, lui disait bien, c'était ça, une attitude machiavélienne, politique, avec les juifs, c'est-à-dire comme si tu veux, on pouvait fluctuer, naviguer, etc. Non, pas du tout, c'est ne pas comprendre la question juive en profondeur, et d'ailleurs il a sorti des énormes... Alors premièrement, il n'y a pas de nouvelle question juive, il y a une question juive. Elle n'a rien de neuf, cette question. Comment dirais-je, on peut y associer certains éléments, mais elle n'avait rien de neuf. Et dans ce livre-là, il a commis énormément d'erreurs et des marques de malhonnêteté intellectuelle. Je veux dire, quand il a dit le révisionnisme, ça ne sert à rien, etc., c'est une erreur fondamentale. Fondamentale, fondamentale. Bon. Quelle était la part d'opportunisme, de revirement? On ne sait pas trop. Donc, en fait, la critique portera là. Et c'est le moment où, en fait, les gens, beaucoup de gens ont abandonné Faye. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a fait semblant de comprendre la question juive en se posant comme étant quelqu'un de rationnel, de dépassionné par rapport à cette question-là, en voulant la rationaliser par rapport à des gens qui seraient finalement dans une attitude obsédée et par contre-coup irrationnelle, en fait... Quand on a vu les arguments proposés, ils n'étaient pas au niveau, quoi. Franchement pas au niveau. Et donc ça a mis les gens, un certain nombre de personnes très en colère, et ils s'en sont dissociés. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce bouquin-là, il y avait une polémique, moi je me rappelle très très bien, les gens ont lâché. Donc après, il a essayé d'écrire des livres, etc. Mais après, il y avait des problèmes personnels. C'est-à-dire qu'après, c'est quelqu'un qui avait des problèmes d'alcool, tout le monde le sait. Et la production n'est plus du tout la même, la vivacité n'est plus du tout la même. Ce qui n'enlève pas les qualités du personnage aussi, hein, mais il a aussi des défauts. Mais sur cette question-là, il y a eu un... Ça n'a pas pris. Et après, il a vraiment poussé dans cette direction. Et non, quoi. Voilà. Mais je pense que c'était par détestation des Arabes, si vous voulez. Mais je vais apporter juste un petit. Quand tu dis qu'il avait tort, ce qu'il disait que le révisionnisme n'était pas utile, en fait, ça dépend du but recherché. Parce que on peut très bien en fait commencer à faire douter les gens sans de suite les faire réfléchir sur la Shoah ou sur d'autres choses. Il y a tout simplement des arguments qui sont tout à fait logiques, c'est-à-dire que la Shoah elle ait existé, qu'il y ait eu 4 millions ou 6 millions, qu'il y en ait eu 200 000 ou 6 millions, est-ce que les Blancs ont obligation de disparaître pour payer, tu vois ? Non, je veux dire, une personne saine de corps et d'esprit va te dire « ben non, en fait, tu vois ». Donc ça dépendait de son optique. Maintenant, si vous le permettez et si la technique le permet, j'aimerais faire écouter aux auditeurs un extrait de Guillaume Fay, qui pour moi, quand même, ça résume quand même bien la personne et ce qu'il a pu apporter, en fait. Bien sûr, pas l'intégralité du personnage, mais ce qu'il a pu apporter. Plus, et en plus, ils ne veulent pas devenir allemands. Mais si rien ne change, je leur ai dit, il n'y aura plus de France, plus d'Allemagne, plus d'Angleterre. Ça sera des Arabes ou des Pakistanais. Ça sera le Pakistan. Mais en plus, ils veulent même pas français ni européen. Ça s'appellera toujours l'Europe, oui. Mais ce ne sera pas la même population. Donc à ce moment-là, peut-être qu'une Amérique blanche se retournera contre l'Europe. Mais je suis désolé, une Amérique blanche et une Russie blanche contre l'Europe boulonnisée, moi je vous le dis, l'Amérique et la Russie blanche. C'est clair. Pourquoi ? Parce que je mets toujours la biologie avant la culture. Ça ne veut pas dire que je méprise la culture. Mais je préfère un mec du Kansas qui parle anglais, qui regarde en bouffant ses steak frites, machin, ses matchs débiles de baseball, un Africain que TV francophone, mais francophile, qui applaudit l'équipe de France, dans laquelle il n'y a plus un seul blanc, sauf le gardien de but, parce que c'est le seul truc où est intelligent. Oui, c'est pour ça qu'on aimait Guillaume, effectivement. Effectivement. Pas mal. Non, mais ouais. Voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est que le type assume la polémique, va au contact, n'a pas peur de bousculer, de choquer, etc. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faut, quoi. Et il a, comme on dit ici, il a du groin. Il a du groin, le mec. Voilà. Ouais. Par contre, sur la question juive, quel dommage, quoi. Parce qu'en fait, il aurait tenu le même discours, mais en rajoutant la lucidité sur la question juive, en étant sans concession, le type, il aurait été un des grands polémistes, un des grands essayistes de nos milieux, à n'en pas douter. Il aurait mis, mais c'est l'erreur, et c'est l'ornière dont il faut sortir. Hein, je veux dire entre les machins, je veux dire, les gens là qui je veux dire, je sais pas quoi là, qui sont qui veulent combattre les juifs mais en fricotant avec toutes les faunes de la terre qui nous polluent, ou inversement, et qui veulent faire des bisous à cette race maudite que sont les juifs, pour supposément combattre l'islam que par ailleurs l'État d'Israël organise, dont par ailleurs l'État d'Israël organise l'invasion, comme on l'a mentionné précédemment. Bon, voilà, il faut être lucide sur tous ces sujets là donc c'est dommage. Ceci étant dit, attention, hein, je veux dire, quand on parle de Guillaume Fay et des juifs, Guillaume Fay identifiait très clairement le caractère étranger des juifs. Guillaume Fay soulignait toujours qu'il n'était pas anti-chrétien, il n'était pas chrétien lui-même, mais comment dirais-je, il n'était pas dans une logique de confrontation systématique avec le christianisme ou l'église catholique. D'ailleurs, il distinguait bien, par exemple, le protestantisme du catholicisme, en soulignant, ou l'orthodoxie, le caractère traditionnel de ces structures-là. Donc il était beaucoup plus nuancé. Hein. Alors en revanche, on a des gens effectivement qui sont dans le néopaganisme, qui sont un affrontement systématique. Il n'y aura plus de curés en Europe, ils seront encore en train de taper sur les curés, quoi. Bon, ça, c'est pas productif, quoi. Là, on est... c'est un débat entre idéalistes, c'est pas très intéressant. Donc, voilà, pour Guillaume Fay, alors évidemment, ça a grand trait. Alors par contre, il y a beaucoup... ce que les gens comprennent, c'est que j'ai presque envie d'appeler ça les pamphlets, c'est des essais, mais... ça, c'est la dernière partie de sa vie. Notamment les prises de parole, etc. Donc très direct, très franche, ne cherchant pas en fait la nuance, le raffinement, etc. C'était voulu. Mais c'est quelqu'un qui, par ailleurs, dans les années 70-80, a fait des textes extrêmement bien charpentés, d'un très haut niveau intellectuel, attention. Hein. Il ne faut pas résumer Guillaume Fay à entendre ça. Je veux dire, je sais pas, il a fait une sortie sur en parlant d'Europe bouillonisée. Il a raison d'en parler comme ça, c'est bien, tout le monde comprend. mais comment dirais-je, faut pas croire que Guillaume Fay c'était des discours à longueur d'année en parlant d'Europe boulimisée. C'est quelqu'un qui... Il y avait un esprit oui. beaucoup plus vif que si, et si l'alcool, parce qu'il faut savoir que l'alcool est un mais dissolvant qu'on se verse dans le cerveau, quoi. C'est ouais. vraiment, on se détruit le cerveau avec cette merde. Donc, faut savoir qu'il avait un esprit réellement vif et que sans l'alcool, il aurait sûrement brillé encore plus qu'il l'a déjà fait, quoi. Bah oui, oui, oui. Son œuvre aurait été beaucoup plus charpentée, beaucoup plus solide. Il l'aurait structuré beaucoup plus facilement dans la durée, mais c'était pas le personnage, donc faut pas demander à quelqu'un qui n'est pas ça. Pourquoi, je veux dire, on va laisser à De Benoît ses 30 bouquins dont personne ne lira jamais même le titre dans 10 ans. Voilà, je veux dire, bon. En fait, Fay, il fait penser, on en a déjà parlé ensemble ici, au dieu Fripon, en fait, dans les personnages de. Bah, ouais, dans les personnages de la mythologie. Loki, ou même un peu Loki. Hein. Ouais, c'est ouais, Loki, Dionysos, Bacchus, en fait. C'est vraiment les créateurs de désordre et d'entropie qui sont vraiment nécessaires. Parce que c'est eux qui font bouger les lignes et ils apportent de la vitalité. Et c'était ça qui était bien chez Fay, malgré le fait qu'effectivement, bon voilà quoi, à la fin, bon, ça cuvait quand même l'alcool et la pisse. Mais mieux voir un type comme ça qu'un type comme De Benoît qui est vraiment dans le... C'est le conformisme sans le corps, quoi. C'est ignoble. Voilà. Qui d'autre? Personne en particulier? Ok. Je vous dis à la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.